Générique, c'est pas grave. C'est vendredi, c'est la fin de semaine. On est là, on est en forme, on est bien. 20h30, 22h pour débriefer l'actualité des Girondins de Bordeaux et ce week-end. Là, sans musique, ça fait très moche quand même. L'actualité nous amènera du côté du stade Geoffroy Guichard. Ce sera dimanche à 17h. Les Girondins affrontent l'AS Saint-Etienne, 4ème de Ligue 1, 50 points. Bordeaux 13e, 38 points. Donc autant vous dire que on va pas se taper un concurrent direct, mais quand même on va jouer le 4e qui va batailler pour soit conserver sa 4e place, soit en fonction des résultats de ce soir, notamment de l'Olympique Lyonnais, pourquoi pas rêver de podium. On va évidemment en parler largement dans cette émission. On reviendra également très largement sur toutes les infos de la semaine qui sont sortis. On reviendra rapidement sur la sanction qui est tombée pour Pablo suite à Bordeaux-Marseille. Le club a fait appel. Enfin bon, bref, on reviendra un petit peu là-dessus. Et puis on évoquera ce dont on n'a pas pu parler lundi soir parce qu'on n'a pas eu le temps et qu'on a eu un après-match assez chargé de Bordeaux-Marseille. C'est ce qu'on peut constater des premières influences de Paulo Sousa sur cette équipe des Girondins. Avec moi ce soir, on va être très, très nombreux ce soir, donc on va essayer de faire rapido. Il y a, on va commencer de droite à gauche, il y a Lucas. Salut Lucas. Comment ? Ah, si j'allume pas ton micro, voilà, ça. Bon, salut Sébastien. Comment ça va ? Ça va et toi ? Oui, bien. Sans son, c'est vraiment infect. Faut vraiment faire quelque chose parce que c'est vraiment moche. Morgan. Non, si tu veux, on a réparé une platine CD qui marchait pas. On la répare, elle remarche pas, dis donc. C'est quand même magnifique. Oui, je disais Lucas, la semaine, tranquillou. Tranquille, écoute. Tu t'es remis tranquillement de cette semaine de. Ah bah non, j'en ai de profité. De ce match. J'en ai profité Marseille. Toute la semaine même. C'était une bonne même si c'était il y a une semaine pile poil déjà, ça fait loin, mais ça fait longtemps que j'ai pas passé un bon week-end comme ça, pas tellement parce que c'est Marseille et que bon à la limite ça m'importe pas plus que ça, mais parce que en moins en sortant du stade t'as cette sensation de dire putain bah pour une fois je suis content de sortir du stade, tu vois, ça parce que pas souvent, la dernière fois c'était face à Paris. Voilà, maintenant il va falloir reproduire la même chose dimanche à Saint-Thé. Il est déjà en train de suivre vos réactions sur Twitter et Facebook et Instagram et je sais pas trop encore quel autre réseau social chelou. Twitter, hashtag directGA, c'est lui qui vous répond. C'est Enzo, comment ça va? Ça va nickel. Bien, non, moi c'est Seb, mais c'est gentil quand même. donc tu vas suivre ce soir les réactions, les réactions, ce qui va se passer sur les réseaux sociaux. Enzo, pareil, la semaine, tranquille, bien. Ouais, Portos, Aramis se porte bien. Non, franchement, ouais, nickel, ça va. T'es toujours à l'école, tu fais quoi là? Non, là je suis en stage. T'es en stage de quoi? Dis-nous. Là je suis en stage de social media, donc je gère les réseaux sociaux de clients et les bons plans Bordeaux aussi. Ah oui, c'est ça, j'allais dire. Je sais, il y avait un nom. Les bons plans Bordeaux, c'est. Alors, si vous allez sur. Bon, explique rapido ce que c'est vite fait. On peut... les bons plans Bordeaux, c'est un site, c'est des réseaux sociaux qui vont parler de l'actualité de Bordeaux et aussi de l'actualité aussi de la région, de tout ce qui va se trouver autour. Mais c'est en fait tous les bons plans qu'on peut trouver sur Bordeaux, les réductions, plein de choses comme ça. Et quel bon plan nous proposes-tu aujourd'hui, Enzo? Oh là là. si vous voulez, vous pouvez aller à la Cité du Vin avec votre abonnement TBM. Voilà, vous avez une réduction. Ouais, il y a une réduction qui est mise en place. Si j'avais un abonnement, j'y serais bien allé. qu'est-ce que je voulais dire? Donc, si vous allez sur les bons plans, c'est un site ou c'est Facebook? Il y a Facebook, il y a Twitter, il y a Instagram, voilà. Et il y a le site. Donc, si vous allez là, c'est Enzo qui répond aux gens? Non, c'est nous qui publions des articles. D'accord, Enzo qui publiera, vous pouvez lire les articles qu'Enzo a publiés. Avec nous ce soir également, un homme qui n'y a pas si longtemps que ça était sur cette antenne juste avant nous, juste avant cette émission, dans une excellentissime émission qui jadis s'appelait Les Désaccès, puis s'est renommée devant le match. Bon, ouais. Monsieur Berny, salutations. Comment allez-vous? Ben, ça va très bien. C'est un plaisir de vous revoir autour de cette table. Le plaisir est partagé, monsieur Sébastien. Vous faites rare, vous et votre vos anciens collègues. Ah ben, on finit la maison et on redonnera signe de vie. Mais on en discute avec mon collègue qui nous écoute absolument pas au McDo à ce moment-là, mais il vous envoie des bisous. On salue Benji, on salue Tony, on salue toute la bande de devant le match. J'ai oublié Jean-Michel, j'ai oublié Jérémy, le Portugal qui doit surfer. On peut surfer au Portugal. Hein. Oh, si tu savais. Ouais, frapper des petites brésiliennes. Le jeune homme que vous venez d'entendre, alors je sais pas si vous aurez une réduction si vous allez avec la carte TBM, si vous allez au musée de la Monnaie à Paris. Non, non, absolument pas. D'ailleurs, c'est double tarif avec parce qu'il faut récupérer des sous un peu. Ah ouais, t'imagines ? Vous avez l'abonnement ? Ouais, deux fois plus cher. Le chauffe est arrivé. Comment ça va, Cyril ? Alors, faut... alors là, j'ai un choc. Je l'avais vu en photo, mais je l'avais pas vu en vrai. Alors, toi, t'as un choc parce que t'es à cette place. Moi qui suis à cette place, j'ai un double choc parce que, alors, si vous ne nous avez jamais vu physiquement. John Malkovich est en face de moi, les gars. Quand vous explique, il y a encore 10 jours, Marc avait plein de cheveux. Oh, plein, calmons-nous. Il y en avait plein. Du moins, les cheveux qui. Mais tout autour, pas sur. Bon, jamais de la vie, mais arrête. Les cheveux qui. Les cheveux qui lui restaient. Toi, t'avais une mèche de 25 cm. Les cheveux qui lui restaient étaient longs. Et Cyril n'en avait pas. Et ben ce soir, c'est alors le total inversaire. Cyril, depuis 8 ans, combien 5 ans que je fais cette émission, 6 ans, je l'ai jamais vu avec autant de cheveux. C'est la Thaïlande, ça. La Thaïlande, ça m'a redonné de la vigueur. Depuis qu'il a découvert les chimelles, ça change un homme. Le mec, il est allé en Thaïlande et t'explique qu'en fait, il a envie de se laisser pousser les cheveux maintenant. Blancs analysés. C'est le ginseng. Parce que les petites Thaïlandaises, elles doivent kiffer les Occidentaux aux cheveux longs. Elles aiment t'arracher les cheveux. Et ben il a raison. Les Thaïlandaises avec un zizi. On se calme. On en parlera. Non, mais on en parlera en off. Il a peut-être envie de devenir ça maintenant. C'est ça le truc. Mais il a raison. Mais là, t'as raison, c'est bien Cyril. Ça change. Ça change un homme. Donc voilà, on a inversé les. Moi, j'ai connu Cyril avec la coupe limite au bol. Tu sais, les cheveux un peu longs et tout. Enfin. S'il te plaît, je les avais en dessous des oreilles. Oui, voilà, tu les avais en dessous des oreilles. Donc moi, tu vois, ça commence à me choquer. Par exemple, tes cheveux blancs, mec, t'as douillé quand même. Ça dépend où on a les oreilles. Ça fait déjà 10 ans, Gia. Ça dépend où on a les oreilles. J'avais pas fait gaffe. Alors, c'est ça en fait. C'est que quand t'es vieux, en fait, c'est assez agréable. Alors, je sais pas qui est au téléphone, je te transfère. Fais-le en direct. Ce qui est assez drôle, c'est que tu te dis, en fait, tu ne te vois pas vieillir quand tu chauffes, puisque tu vois pas tes cheveux blanchir. Tu bon, là-bas, peut-être. Merci. Ça peut être très drôle. Donc, bon, bonsoir à tous. Il est arrivé à l'instant dans ce studio. C'est Marco, comment ça va? Bah, tu peux là, écoute, comme après une semaine de boulot. Ouais. T'as recoupé les cheveux depuis que t'as tout rasé là ou genre à chaque fois que t'en vois un qui pousse, bam, tu coupes. Il a fait de la moitié con ce gars. Mais je les rase tous les deux jours parce que sinon tous ça les deux jours tu les rases. Ah mais attends, mais quand je t'ai vu la dernière fois, t'avais encore un petit peu de, t'avais genre. Mais deux, parce que je m'étais pas rasé, c'est tout. Quand tu m'avais la fois, c'était vendredi dernier. Oui, je m'étais pas rentré, c'est encore appelé. Tard, on a quelqu'un au téléphone. Il faudrait que tu rappelles un petit après. Donc voilà. Donc voilà. Non, c'est tout. C'est que tu les rases tous les deux jours. Alors je dois t'avouer que je suis pas tous les deux jours devant en train de me raser. Donc c'est samedi matin et mardi, mercredi soir. Et ça intéresse tout le monde. Tout le monde est hyper content de savoir ça. Mais exactement. Et est-ce que tu mets de la mousse à raser ou pas? Ah oui. Et d'ailleurs, t'as l'air... tu vois la gueule de con que t'as quand tu mets le bonnet à la piscine sur ta tête, que ça te mousse. Mais ça pareil. Fait pareil. Ça ressemble à rien. C'est assez flippant. Rasoir 2 lames, 3 lames avec les grilles pour protéger, pour mais pas se couper. Rasoir Wilkinson, 5 lames, hydro machin, mes couilles. Avec le petit coussin sur le long de la lame là pour pas irriter la peau. C'est ça, le truc lubrifiant derrière qui sert à rien. Parce que le truc lubrifiant derrière, ça ne regarde pas. Non, mais sur sur les lames. C'est pas pour nous. Après, tu mets la petite crème parce que t'as le crâne à chaud. C'est ça qui est, c'est ça qui est bon. Alors, on. Mais disons que quand tu. On va continuer. Quand tu te rases les couilles, après, c'est pas très grave. On va parler. C'est moins galère de se craner les crânes que de se raser les couilles. Avant d'accueillir l'auditeur, je rappelle que vous pouvez nous joindre au 05 56 35 31 31 comme l'auditeur qu'on va accueillir dans quelques instants. Je vous rappelle également qu'on ne peut pas prendre deux personnes en même temps. Donc, quand vous entendez qu'il y a quelqu'un à l'antenne. Eh ben, vous attendez qu'il ait fini pour nous rappeler. Et j'allais dire, si vous écoutez pas et que vous voulez quand même nous appeler, mais ça sert à rien puisque vous ne nous écoutez pas. Mais appelez-nous quand même. Messieurs, ce week-end. Nous ne nous regarde pas. Ce week-end, Bordeaux donc va se déplacer dimanche à 17h au stade Geoffroy Guichard dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Musique qui fait peur. Ou qu'elle fait peur, cette musique. Quelle terrible. Oui, elle m'effraie. Elle m'effraie un peu moins depuis quelques matchs, mais elle me fait toujours autant flipper. Avant, j'avais compris pourquoi elle te faisait flipper. Mais parce que depuis 2 ans, cette musique est synonyme d'angoisse à chaque match, quand même. De galère, de cette conneries. Cette musique mais est synonyme pas de d'angoisse. Non, mais de souffrance. Non, mais attends, quoi, depuis que j'en ai arrivé, c'est quand même moins la souffrance. C'est pour ça que je te dis depuis 3 matchs, bon, allez, ça, c'est un peu moins la souffrance. Donc, AS Saint-Etienne, l'ASS 4ème, 50 points plus 8 de différence de but. Avec les Girondins 13ème, 38 points moins 1. Les stats, on va pas se mentir, les enfants. Ça va être très compliqué. Je parle pas seulement pour tout ce qui est la rivalité historique. Apparemment, ça bug déjà. Qu'est-ce qui bug ? Le lien internet. Ah, alors là, les enfants, on est désolé. C'est complètement indépendant de notre volonté. On peut rien y faire. Donc. Voilà, on va espérer que ça s'arrange. Les Girondins de Bordeaux, donc, ont affronté la SSE sur ses terres 58 fois en Ligue 1, 30 victoires stéphanoises, 19 matchs nuls, seulement 9 victoires bordelaises. La dernière victoire bordelaise, messieurs ? L'année dernière. Ben voilà, c'était facile, c'était l'année dernière. Avec un but de Malcolm, il me semble, non ? 3 buts à 1 en terre stéphanoise, et après il faut remonter... mais pas si longtemps que ça, il faut remonter en 2012. Et sinon après c'était quasiment seulement une défaite et que des matchs nuls. Donc sur ces 5-6 dernières années, Bordeaux s'en sort pas trop mal. Il y avait même un match nul honteux, je crois, où c'est Thiago Iori qui marque sur une tête, tu sais pas comment il marque. Oula, faut remonter à... Là c'était aux dernières années Sagnol, les belles années. On est en quoi là, 2012 ou 2013 la belle époque. J'ai mal entendu. T'as rien entendu. Les chiffres en cours rapidement. Saint-Etienne donc à domicile sur les 4 derniers matchs, c'est 2 victoires et 2 perdus. Bordeaux à l'extérieur, c'est 2 défaites et 2 matchs nuls. Le meilleur buteur à l'extérieur Girondin, et là ça va faire très très mal. Et ouais. C'est là où, alors évidemment, le problème de Bordeaux, on le sait, c'est pas nouveau, c'est de marquer. C'est François Camano. 2 buts, 0,50 buts par match à l'extérieur. Une des pires attaques Bordeaux, à l'extérieur. C'est famélique. À l'inverse, la SSE va se reposer sur son homme fort. Depuis qu'il est arrivé, c'est Wahbi Khazri. 10 buts déjà à domicile pour Wahbi Khazri. Et la SSE est à 1,75 buts par match. C'est presque 2. Donc autant vous dire que je pense qu'on va avoir des buts, malheureusement. Alors évidemment, ces stats sont Je trouve plus le mot, mais à modérer, puisque le Bordeaux de Paulo Sousa prend moins de buts, voire pas beaucoup, puisque ouais, je sais pas ce qu'on entend, mais on entend quelque chose. Prend moins de buts puisqu'on a pris, je crois qu'on n'a pas pris de but contre Marseille. Le match d'avant c'était qui ? On fait 0-0 à Amiens. Un but en 3 matchs. Voilà. Donc il faut peut-être, voilà, t'as peut-être pas avoir non plus énormément marqué en 3 matchs. Le fait est que sur ce match-là, on va quand même avoir des absents et pas des moindres. Alors je ne pourrais pas vous donner les groupes ce soir puisqu'ils tomberont que demain, mais quand même on peut déjà dire qu'à Bordeaux, évidemment Pablo sera suspendu. Nicolas Depréville, je crois également, sera absent. Si je dis pas de bêtises, Jovanovic également sera pas là. Ça commence à faire beaucoup au niveau des défenseurs. On parle d'un retour de la défense à 4, du coup, puisque faire une défense à 3 quand on a 2 sur 3 qui sont pas là, c'est un peu embêtant. Donc Igor Levchuk sera certainement de retour dans cette défense à 4. Première question, déjà, rapidement, tour de stade. Avant Marc, on va accueillir... Je sais qui c'est, on a... Tu m'as bien vu, j'étais en train de parler. Ah oui, t'as pas le prénom. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. T'as pas le casque. Mais non, écoute, il reste le bloc. Ton prénom ? Alors moi c'est Romain. Bonsoir messieurs. Bonsoir Romain. Excuse-nous, on était un petit peu pris de vitesse ce soir. Oh mais il y a pas de problème. Moi je vous écoute parce que ça bug. Alors là je suis avec vous, c'est impeccable. Alors les problèmes. On est désolé. C'est assez malheureusement assez régulier qu'on ait des petits problèmes comme ça d'internet, de bande passante ou je sais pas quoi. Enfin les détails c'est marqué. Mais ça nous on peut rien y faire directement depuis le studio. Romain. Oui. Saint-Etienne, on y va comment ? On y va en se disant, pas peur de Saint-Etienne qui est quatrième et qui joue l'Europe ? Ou on se méfie et on dit, allez, un petit nul déjà, ça sera ramener un point, ça sera bien ? Non, moi je pense qu'il faut pas se soucier de Saint-Etienne parce qu'on a quand même un gros chantier, quoi. On a quand même un gros chantier, c'est-à-dire essayer de voir un max de choses d'ici la fin de saison, en essayant de voir un max de joueurs en même temps pour préparer la saison prochaine. Donc, du moins, c'est ce que je pense. Après, voilà. J'ai écouté là tantôt. Je sais pas si vous avez entendu la conf de Paulo Sousa. Il a dit qu'il allait modifier pas mal de choses. Alors, je pense effectivement qu'il va déroger à son système à 3, parce que le problème, c'est que son système à 3, comme tu as dit tout à l'heure, t'en as 2 sur 3 qui sont pas là, donc c'est un peu compliqué. Même si tu remplaces Lekjuk si tu remplaces Pablo par Lekjuk et puis Jovanovic par Sissoko, ça fait quand même un peu léger. Tu peux avoir des idées aussi. Bien sûr. C'est déjà arrivé que latéral rentre dans l'axe. Ouais, ça peut arriver. Un athlétique, tu vois, genre un Pungé qui est très très fort dans les duels. Tu peux le faire rentrer aussi. Pas sur le très. Non, mais tu sais, excuse-moi, la vitesse, il est difficilement prenable. Oui, mais ça te fait pas être bon dans un duel. Bah si quand même, tu c'est un truc qu'on peut pas lui enlever, le côté physique, il l'a. Le problème qu'il a, c'est que c'est le ballon qu'il a pas. Mais voilà. Bah, le truc, mais un peu à la poste à la Morel. Ouais, Pungé aurait pu tenir un rôle d'un défenseur axial gauche, moi je trouve, dans une défense à 3. Bah, après, quand le ballon il est côté droit, de toute façon, Pungé il est bien obligé de décaler dans l'axe pour coulisser. Bon, je pense pas qu'il serait perdu. Mais ce qu'il y a après, c'est que quand on voit les profils, Lekjuk et puis Sissoko, si jamais il devait être mis titulaire, niveau relance, c'est pas dingue. Et quand tu joues à 3 derrière, la première relance, elle est vachement importante, quoi. Donc après, ça peut, de toute façon, ça mérite. Enfin, ça pourrait être essayé, de toute façon. Hein. Ou même un projet axe gauche, ça peut être essayé aussi. Non. Mais ce qu'il y a, c'est que dans cette défense à 3 aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est aussi le positionnement qui est super important. Mmh. Parce que Saint-Etienne, si jamais tu te positionnes mal dans ta défense à 3 avec Koundé, Levchuk et probablement Pungé, c'est une hypothèse, hein, ça pourrait être Pungé, ouais, ça pourrait être Sabali, ça pourrait être n'importe qui. Saint-Etienne, si jamais tu te positionnes mal, eux ils vont pas nous rater. Ils ont quand même des cartouches offensives avec Kabea, avec Kazri, avec. C'est surtout ça. Passer des meilleurs. C'est-à-dire qu'ils ont surtout des faux attaquants. C'est-à-dire que Kabela et Kazri vont jouer dans des zones où t'es pas attendu. Ils vont surtout jouer dans les zones entre ta défense et ton milieu. Ils vont énormément bouger, ils vont combiner. Il y a beaucoup de passages dans le dos. C'est ça, c'est-à-dire que ça dézone énormément, puis n'importe lequel d'entre eux est capable à un moment donné de se créer une occasion tout seul et puis de frapper. Donc c'est pour ça, après, ça fait un gros manque de repères quand même, parce que là, tu peux mettre l'Exuc Sissoko ou l'Exuc Pugé, mais deux postes sur trois derrière, je suis pas convaincu. Je pense qu'il va repasser à quatre derrière pour essayer d'avoir une assise un peu plus, pour être un peu plus serein, quoi. Parce que bon, il va peut-être pas non plus partir comme ça un peu à l'aventure, parce que ça fait quand même changer pas mal de joueurs pour pas mal de postes. Hein. Donc bon. Mais surtout le souci là, c'est pas les gens qui manquent, surtout c'est les personnes qui peuvent les remplacer. Quand tu vois Sissoko qui n'a pas joué encore en pro, le faire débuter dans un système à 3 derrière, ça risque d'être un peu compliqué. Après t'as Lechuk, on sait que la vitesse c'est pas forcément son point fort, et le faire jouer à gauche ou à droite de la défense à 3, ça risque d'être compliqué, parce qu'on voit Koundé, il fait que ça, aller à droite, à gauche, ça passe souvent à 4, et là il en est complètement incapable. Donc c'est, enfin pour moi là, on peut jouer qu'à 4 derrière. Bah oui, on peut jouer qu'à 4 derrière. Parce que quand tu regardes, enfin c'est pas Sissoko qui a pas forcément le niveau qui peut prendre cette place. Enfin, moi perso, ouais, je pense qu'il va passer à 4 derrière. Il va remettre Palencia à droite certainement, Pungé à gauche et puis assurer dans l'axe avec Koundé et Lekjuk qui pourra un peu chapeauter tout ça dans l'axe, parce que vous, il est quand même en manque de repères et de conditions, notre ami Lekjuk là. En conférence de presse cet après-midi, donc Paolo Sousa a évoqué justement le casse-tête pour ce qui est de la défense. Il a dit les absences évidemment de Jovanovic et Pablo vont peut-être nous obliger à changer l'animation défensive. Nous prendrons une décision demain, donc samedi, après l'entraînement. Lui qui sera très important, il reste 48 heures avant le match à Saint-Etienne, il peut donc encore se passer beaucoup de choses. J'ai utilisé 17 joueurs et je vais continuer à faire des changements. J'ai besoin de voir ceux qui ont moins joué, donc ça c'est peut-être aussi une indication sur peut-être la future compo de ce week-end. Je dois donner la possibilité à tout le monde de montrer ses capacités. Sans prendre de risque, dire qu'on aura une défense à 4 avec Koundé, classique, Pungé à gauche, et alors après ou Sabali ou Palencia, ça... L'un ou l'autre. Palencia. Sabali, il a montré que quand il joue un peu plus haut, il est pas mal quand même. Il a du volume. Je suis surpris qu'il n'y en ait aucun de vous qui ait pensé à mettre Sabali dans l'axe, alors que pour moi, c'est une totale évidence. Si, j'y pense, mais... Le futur, si tu le vends pas, et que tu restes à 3, tu mets Sabali dans l'axe, tu tentes tout pour garder Palencia, et t'as le jeune Italien qui arrive en rotation. Oui, c'est vrai. Sabali a déjà fait ça à Evian Tonon-Gaillard et c'est pour moi c'est une évidence mais que c'est lui qui l'a jamais fait à Bordeaux depuis 3 ans maintenant. Oui, mais c'est pour ça qu'à 3, tu peux mettre Levchuk dans l'axe. Il recule un peu, tu sais, en libéro 5 à l'époque où tu libéro et tu joues pas le hors-jeu. Et puis t'as Koundé et Sabali qui courent et puis t'as Palencia, tu sais que le taf il sera fait de l'autre côté, tu gardes Pungé. Moi, pour moi, c'est une évidence de mettre Sabali dans l'axe, dans la défense à 3 et de remettre Levchuk. Ouais, ça peut ça. Pour moi, il y avait aucune. Pour moi, il y a aucune raison de changer un système qui tient plus ou moins la route et de repasser en 4-4-2 où là, effectivement, tu vas voir les énormes carences défensives de Pungé avec la lenteur associée à la lenteur de Levchuk, comme ce qui a déjà été fait en début de saison et le retour de blessure de Palencia, ça va. Et là, les espaces, ils vont se créer pour Kabela, Kazri. Lucas disait tout à l'heure, face à une équipe qui est quand même assez rapide. Amouma, ça va vite. Kazri, ça va vite. Donc tu joues pas le hors-jeu, mais c'est bien ce que je te dis. Il y a Kuberic qui Berich, tu le prendras pas sur la vitesse. Par contre, tu le prends. Si il est titulaire, par contre, ouais, tu le prendras là où il faudra l'attraper. C'est sur son. Enfin, c'est le mec. Oui, mais là, ce que vous oubliez, c'est que Bordeaux, ça reste une équipe de contre. Donc, quand on voit que Cazeri et Cabella rentrent dans l'axe, mathématiquement et logiquement, ça veut dire que toi, t'as tes côtés qui sont libérés. Et t'as deux flèches avec Palencia, voire Sabali ou Pungé, surtout Pungé, et t'as deux Préville. Moi, pour moi, il faut rester en 3-4-3. Tu bétonnes, tu joues pas le contre. Tu joues pas le hors-jeu et tu joues le contre et tu fais un petit kick and rush pendant 15 minutes. Autant te dire que Saint-Etienne, ils vont commencer à se dire merde parce que aussi ils vont pas vite derrière Saint-Etienne. Ouais. Calmez-vous. Ouais, ça va pas vite Saint-Etienne. Saint-Etienne, on les a vu faire des matchs très très moyens aussi. Ils ont pas non plus. Ils sont quatrième, ils font une saison correcte, mais on les a vu faire des matchs pas ouf non plus. Leur défense centrale, comme tu dis, elle est jeune. Il a 18 ans. C'est pas Usain Bolt. Il a 18 ans le gars dans l'axe. Voilà. Donc je pense qu'on a des garçons. Alors Nicolas Depréville sera pas là, mais je pense que des garçons. Comme après t'en as d'autres. Il y a Camano, Caramo, déjà ça court vite. T'as je te dis pas que c'est bon, voilà. Mais sur un contre, et quand t'es défenseur, on a tous joué au foot. Quand t'as un mec premier ballon, il te met une petite accélération. Je pense pas que tu te dises tiens je vais continuer à jouer 15 ou 20 mètres plus haut quoi. Tu vas justement reculer de 15 mètres parce que tu te dis le mec il va m'en mettre 20 dans la vue. Mais après. Ouais, vas-y. Si je peux dire un petit truc, excusez-moi. Ouais, pour revenir à vite, parce que là, je repense à ce qu'a dit Souza, là. En gros, j'essaie de comprendre ce qu'il a dit dans sa conf. Et par rapport à ce qu'il a dit, je me suis dit, il a continué à travailler son système à 3 derrière. Mais le truc, c'est que je suis pas convaincu qu'il ait trouvé les solutions. Donc, il a continué à le travailler, mais il a essayé de basculer à 4 pour voir ce que ça allait donner aussi. Parce qu'à mon avis, il était peut-être pas convaincu sur ce qu'il avait vu avec les joueurs qu'allait postuler pour dimanche. Juste avant qu'on continue, je me permets de t'interrompre parce qu'il y a deux matchs qui se jouent en ce moment. Dijon-Amiens. Non, interrompu. Calme-toi. Dijon-Amiens, 0-0 à la 97e minute. Et le deuxième match vient de débuter depuis une minute. C'est Nantes qui accueille l'Olympique Lyonnais et 0-0 après seulement 8 minutes. Amiens joue à 10 à Dijon. Et il y a une première, je pense que c'est une grande première en Ligue 1, à mon avis, c'est jamais arrivé. Puisque Dijon-Amiens a été interrompu 5 minutes en raison de cris racistes. Alors je sais pas pour ceux qui voient le match. Je sais pas. En même temps, ça tombe à pic. Pour une fois qu'il y a un arbitre qui ose prendre cette décision, et en plus, accessoirement, ça tombe en France, là où c'est pas les terrains où il y a le plus de problèmes de genre. On voit ça souvent sur Italie, en Espagne. Avec ce qui est arrivé la semaine dernière. C'est Prince Guano qui a été victime de cris racistes descendu des tribunes. Les joueurs se sont alors arrêtés de jouer et sont eux-mêmes sortis du terrain 5 minutes avant de revenir sur leur décision. Certains sont même allés parler aux supporters. En revenant sur le terrain, les joueurs ont décidé que si ces cris étaient de nouveau entendus, tout le monde rentrerait au vestiaire. Donc c'est à saluer, faut espérer que ce soit suivi. Maintenant, je pense que c'est le genre de cas, il y avait un reportage il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Canal de Olivier Dacon. Voilà, mais qui veut rien dire, parce qu'en France, depuis le reportage, il y a eu des trucs. Oui, voilà. Et on peut parler de Bravo, on peut parler de ce qui s'est passé Balotelli à Nice. On peut se poser des questions entre Lopez et Sarr aussi à Rennes. Cette année, ça caisse. Enfin, mais là... C'est quand même les joueurs, enfin de ce que je dis. Non, mais c'est très bien. C'est les joueurs eux-mêmes qui disent stop. Faut les féliciter. Faut les féliciter parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc c'est une conscience collective, c'est bien. Tant mieux que ça bouge comme ça. Faut espérer que ça soit pris en exemple. Faut espérer que ça soit pris en exemple dans d'autres pays. Peut-être ça va faire jurisprudence. Maintenant qu'il y a des joueurs qui ont osé le faire en France, peut-être que je me dis dans d'autres pays ça sera fait pareil. Et surtout en Italie et en Espagne, parce que là c'est vraiment. Il a pas l'air content le président de Dijon là. Ah bah tu m'étonnes. Dijon-Amiens, ça joue à descente les deux. Donc ah bah oui. Match hyper important. Mais c'est surtout que là, tu donnes une exécrable image de ton club. Et le président Dijonais a peut-être peur, je sais pas, est-ce qu'il peut y avoir peut-être des sanctions, des retraits de points pour ce genre de trucs, j'en sais rien, mais on va suivre les dernières minutes, voir comment ça se passe. Dans la situation où ils sont, ils n'avaient pas besoin de ça. Voilà, exactement. Il y aura peut-être une suspension de terrain et sûrement peut-être des matchs à huis clos. Oui. Quand tu joues la descente, ça craint quand même. Oui, c'est clair. On continue sur Saint-Etienne. On a parlé de la défense bordelaise. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette défense? Si on va passer aux autres secteurs du jeu. Pour revenir à ce que disait... excuse-moi, j'ai zappé ton prénom. Dieu. Bernie. Appelle-moi Dieu. D'accord. Pour revenir à ce que disait Alexandre. Dieu Bernie. tu disais tout à l'heure, Cabella, etc., ça va rentrer. Et ça, j'entends bien. Et à partir du moment où on va avoir des couloirs qui vont se libérer, ça ok, mais du coup maintenant après il va falloir trouver la bonne première relance. Et dans un schéma à 3 avec Sabali, donc je suppose que tu vas le mettre à droite, comment dire, tu sais, dans le rôle hybride qu'avait Koundé aux côtés de Pablo Jovanovic. Koundé va être plus ou moins le patron de cette défense centrale et c'est justement non, ce qui non non ça c'est des conneries ça. Koundé il a 20 piges. Pour moi Koundé tu le laisses tranquille. Alors c'est le, Koundé, les patrons c'est Levchuk mais c'est pas Koundé. Ouais non. Mais c'est un mix. Ouais, c'est un mix. Non, Koundé. Non mais Levchuk. Mais je vois ce que mais oui. Mais Levchuk en soi dans la relance même sur la première il est pas forcément très rassurant non plus. Tout à l'heure non, ce que je t'ai dit c'est que je cherche pas la relance dans les pieds parce que c'est ça servira à rien. Pendant 15 minutes je fais un kick and rush. Et tu fais reculer le bloc stéphanois. Parce qu'au bout d'un moment, les mecs, ils sont obligés. Ils sont pas vifs derrière. Tu vas leur mettre que des fusées, des grands ballons dans le dos. Ils vont devoir reculer. Et tu vas faire descendre le bloc stéphanois. Ouais. Et du coup, Cazeré et Cabella, ils vont toucher leur ballon au milieu. Et là, au milieu, après, t'as du boulot. T'as Otavio et. Attends, plus, et plus, Debuchy et Gabriel Silva, ça planque pas et piqué non plus. Hein. C'est quand même. Mais oui, non, mais attends, mais Debuchy, si tu mets, il a 127 ans. Si tu mets tes 3 points, si tu mets, je veux dire, une configuration comme ça. Non, mais Debuchy face à Camano, en vitesse, il se fait fumer. Tu lui mets un ballon dans le dos, il est intelligent, Debuchy. Tu mets Camano, Caramo, Depréville, ça court. Hein. Mais Depréville, il est suspendu. Mais tu vois, Bernie, moi, c'est ça qui me dérange. C'est que Debuchy, ça court pas, mais ça réfléchit. Ouais. Camano, ça court, mais ça réfléchit pas. Et je pense que l'un dans l'autre, ça peut s'annihiler, hein, à mon avis. Je suis pas forcément d'accord. L'intelligence de Debuchy peut annihiler la vitesse de Camano. Ouais, alors, ouais, l'intelligence. Mais bon, quand c'est course pure, sans ballon et un ballon lancé dans la course, t'as beau être le plus con des mecs. Hein. Si tu sais courir, ça passe. Le problème, justement, c'est que c'est ça. C'est que Camano, c'est pas son style courir avec le ballon, c'est plus la temporisation et de savoir qu'est-ce qu'il va faire. Je t'ai pas dit que tu fais ça tout le match, mais pendant 15 minutes, et là après tu fais, t'es obligé, c'est footballistique, le bloc il va descendre de Saint-Etienne, ton bloc à toi, obligatoirement, il va remonter, et là après tu vas essayer de jouer au foot, et là après je suis d'accord avec toi, tu joueras pas au foot, mais après un défenseur central, de base dans une défense à 3, mais si c'est pas faire une passe à 10 mètres, ouais, après, parce qu'après ton milieu, tu me dis ça, mais ton milieu, il fait pas, excusez-moi le terme, il fait pas bander. Hein. Alors, Otavio, justement. J'ai jamais vu que c'était un Pirlo. Et à côté, Tchouameni ou alors Imeki. Justement, non, on va passer. Ouais, mais Basic, même, tu. Basic. Ok, il a des. Mais c'est pas non plus. On va passer au milieu de terrain, on a parlé de la défense, on va évoquer mieux. Oui. Moi, je veux juste dire un mot sur la défense. Oui. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai vraiment envie de voir Palencia. Pas d'accord. Non, mais de voir Palencia à la place de Sabali, je trouve que Palencia c'est un rôle qui lui va parfaitement. Ouais, on va pas se mentir, si Bordeaux fait l'effort de le garder, Palencia c'est plus. Non, mais tu sais que t'as réussi à me convaincre sur ce que t'as dit. Palencia c'est ton avenir à droite, on va pas se mentir. Sabali il a certes que 22. En plus, je l'ai croisé. Ça fait déjà 3-4 ans. Ouais, mais tu le mets dans l'axe. Si tu le vends pas, tu le mets dans l'axe. Hier j'ai croisé Palencia dans les rues à Gambetta. Il était en jog, tranquille. Donc pas de demande d'interview. Bon, clairement pas. J'attendais mon bus. Tu sais, quand il passe devant, je vais pas les faire chier non plus. Hola, comment il s'appelle? Hola, Sergi. Sergi. Hola, Sergi. Me llamo Renzo. Yo soy de la radio. Yo soy de la radio RIG. Del Gin Rondé Analyse. Oui, pardon, Romain, excuse-moi. Non, mais désolé, non, mais c'est bien. J'en profite parce que je comprends un truc, donc si c'est pas si con, je vais le dire. Non, mais Palencia, en même temps, on sait que ceux qui sont formés au Barça, tout ce qui est latéraux, ils sont vachement offensifs. Enfin, ils défendent pas beaucoup, quoi. Donc peut-être que dans ce rôle-là, excentré complètement à droite, ce serait aussi pas mal pour lui. Ouais. C'est exactement le même que Pungio à gauche, on va dire. On l'a pas vu. Physiquement, c'est pas exactement la même chose. Ils ont pas les mêmes qualités athlétiques. Un chouïa plus intelligent défensivement. Ouais, Palencia. Mais le placement, etc. Oui, c'est clair. Mais pas après Pungio. Dans le timing. Pungio, c'est plus en termes de qualité physique. Mais pour moi, ça peut être. Si on arrive à avoir pour l'année prochaine, si on peut avoir 3 bons centraux. Que à l'image de Koundé, même Jovanovic, que je trouve très bon en ce moment, même Pablo, mais bon, je pense pas qu'il va rester. Je trouve que ça peut être vraiment intéressant d'avoir deux latéraux comme ça qui peuvent monter et faire des courses et être physiquement assez bons et assez prêts. Sur le milieu de terrain, on avait commencé à repartir là-dessus. Alors, du coup, vu qu'on repart sur une défense, ce qui semble être la tendance, c'est de repartir sur une défense à 4, qu'est-ce qu'on fait pour notre milieu de terrain? Bon, tu prends l'eau. Alors voilà. Pour moi, tu prends. Est-ce que tu fais un milieu à 4? Est-ce que tu fais un milieu à 3? Mais c'est quoi tu... S'il repart sur une défense à 3, il va faire le milieu que je déteste le plus au monde parce qu'on n'a aucun joueur de ballon. Avec une sentinelle Otavio devant la défense, il va te mettre Basic, il est capable de te remettre Plazil. Et tu vas prendre. Donc pas une de Sankaré, pas de. On a qui d'autre? Pas de. Sankaré nul. Sankaré, tu peux pas le faire jouer. Il a perdu sa place sur son premier match qu'il a fait, clairement. Non, mais il a même, tu peux mettre n'importe qui dans les 3 milieux. Ça Poyet, non, c'est deux milieux axiaux et t'as deux milieux latéraux. De quoi non, si tu repasses à 4, non. Mais là, il est reparti de 4. Quand tu repasses à 4, t'es 3 milieux. Ils ont tous essayé tous les milieux du monde, du Youssouf, du Tchouameni, du Pablo, il peut faire du Otavio, du machin. Il peut faire Zaïdou qui joue pas mal sous Paulo Sousa. Zaidou, arrête tes conneries. Non, non, je dis pas ça. Je te dis juste que depuis que Paulo Sousa est là, oui, il fait jouer Zaidou à la limite. Moi, je le mettrais à la place de Depréville. Après, ce que disait Bruno, je crois, la dernière fois qu'il était venu. Ce que disait Bruno la dernière fois qu'il était dans Giron d'analyse, c'est que le milieu à 3, c'est pas forcément le style de Paulo Sousa non plus. Donc il va rester, comment dire, sur son schéma. Alors là, entendons-nous bien, il va passer sur ce schéma contraint et forcé parce qu'il a pas le choix et parce qu'il lui manque de mecs derrière. C'est là où moi je trouve méga pessimiste, c'est que. Il a rien à perdre. Ah oui, non, mais moi je suis pas pessimiste. Il gagne, il perd, il fait ce qu'il veut sur les 7 matchs tant que tu descends pas. Il est sa cote. Là, c'est un laboratoire pour lui. Là, c'est exactement ça. Donc, et Sissoko, eh ben lance-le. Lance-le, Sissoko. Et ça te coûte quoi? Gros match de merde. Il va avoir quand même des adversaires coriaces. T'as encore Lyon, Lille. T'as quand même dur. Non, mais t'es obligé. Il les teste, les mecs. C'est normal. Lui, là, c'est Football Manager pendant 7 matchs. Il s'en fout. Non, mais un truc dont on n'a pas. Je viens d'y penser à l'instant. La chance aussi, entre guillemets, de Bordeaux sur cette fin de saison. Alors, certes, Bordeaux ne joue plus rien. Mais le fait de jouer Marseille, il reste quoi là, 6 matchs Saint-Étienne, sur Lyon, tes 6 Lille. Derniers matchs, tu joues Marseille, Saint-Étienne, Lyon, Lille. Ouais, mais c'est quand même en termes de motivation, je parle, et d'intensité, c'est quand même plus simple que si tu jouais Caen, Amiens, Dijon, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes-là, et Angers. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans la préparation de Paulo Sousa et dans ses compos d'équipe, il y a quand même ce truc de dire ça va pas être juste des matchs des matchs d'entraînement, ouais, puis je vais tester lui. Non, tu vas jouer le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. T'es pas obligé, non mais c'est quand même des matchs. Non, mais t'es obligé de bien finir la saison pour la saison prochaine. Non, mais je veux dire, il y a quand même des gros matchs. Non, mais ouais, ça, c'est exactement ça. Si jamais tu fais tous tes matchs et que tu les perds tous jusqu'à la fin de la saison, courage en août. Il va pas tous les perdre. Je te dis juste que là, attends, là c'est un match. Jovanovic, il va revenir. Depré, il va revenir. Bon, Pablo, il a pris deux matchs. Il y a un appel. Est-ce que l'appel est suspensif? Oui. Oui. Donc pour l'instant il est pas. Donc il ratera Saint-Étienne. Et puis les gars, Sissoko et Koundé, quand il est arrivé dans l'équipe, qui c'est qu'il connaissait à part ceux qui jouent au Football Manager? Ah bah oui, à part les gens qui suivent la. Mais non, mais c'est. Mais de toute façon, mais si tu le testes pas, en plus là c'est l'occasion. On pourra pas dire ouais, mais tu l'as enlevé pour Pablo, pour machin. Mais non, mais là j'avais rien d'autre. Et si tu veux, l'argument est bon de dire. Et si encore t'avais Koundé les trois, bon, mais là il peut tout dire. Bah écoutez, j'avais personne, j'en avais. Voilà. Et là il peut dire, eh ben voilà. Et puis comme ça peut lui donner des billes. Ben il me faut un autre défenseur central l'an prochain. D'où la piste m'est chère, tu vois. Moi ça me, moi je vous trouve pessimiste. Moi il les lance et puis basta, tu vois. Donc pour revenir sur le milieu de terrain, c'est la misère. Bah si tu passes à 4 derrière, ça va être le chantier, ça c'est sûr. Mais moi ce que je pense surtout, c'est que Sousa a testé déjà 17 joueurs depuis qu'il est arrivé. Pourquoi il n'en testerait pas d'autres? On voit Adli, il parle beaucoup d'Adli depuis le début qu'il est arrivé. Moi, je suis persuadé qu'on peut mettre une pièce sur le fait qu'Adli peut être titulaire potentiellement dimanche. Il a dit, je vous ai lu tout à l'heure, il a dit qu'il aimerait voir certains joueurs. Alors, peut-être qu'il parlait plus globalement pour la fin de saison. Adli, mais... il n'a pas le coffre encore. Il lui faut une vraie prépa. Non, mais même si je joue 60 minutes, déjà, tu vois, pour pouvoir le voir. Même 10 minutes, quand il rentre, tu le vois qu'il est en dessous physiquement. Ouais, il faut qu'il prenne ses repères. Il vient d'arriver dans une équipe, tu vois, il connaît pas forcément la philosophie de jeu. Le PSG c'est quand même un monde à part. Faut qu'il puisse jouer pour s'habituer. Il joue pas forcément. Enfin, il a joué avec la CFA. Adli. Je crois pas. Non. Au moins, le faire jouer, le faire gagner un peu de temps de jeu. Quoi. Non, peut-être qu'il a dû faire un match de vite fait. Mais... Adli, c'est sûr qu'il lui manque du physique, mais dans un schéma comme le 3-4-3, honnêtement, j'y crois pas trop à Yacine Adli. Même un 4-4-2. Il faut le voir, les enfants. Hein, croire, c'est bien. On parle d'un joueur qu'on a vu jouer à tout péter une heure. Mais tu mets pas à la place de Bassic. Non. Tu mets pas Adli à la place de Bassic. Parce que clairement, il te faut une sentinelle qui sera pas Adli parce qu'il court pas. Enfin, il court, mais il a pas le potentiel pour récupérer le ballon. Mais c'est un relayeur, Adli. Ouais, c'est un relayeur 10. C'est un 8-10, ouais. Mais pour moi, c'est pour ça. Si dans un milieu à 3, tu peux le mettre sur la pointe en 4-2-3. Mais franchement, je vais te dire un truc. Je suis pas sûr qu'il ait la caisse même pour tenir une mi-temps. Mais après, c'est peut-être moi qui suis très pessimiste. Mais de ce que j'ai vu, c'est qu'il a vraiment du potentiel footballistique, technique. Il a des moves, il a des skills qui sont franchement beaux à voir. Ça se voit qu'il joue au foot. Mais par contre, dès qu'il a un défenseur qui est un petit peu physique, un petit peu rugueux, il prend un coup d'épaule, il bouge de 3 mètres. Alors, rappelons que c'est quand même un garçon qui n'a à son actif que 2 matchs de Ligue 1, ou 3. Donc oui, mais c'est pour ça que je dis, à la limite, tu le fais rentrer un quart d'heure, 20 minutes, et petit à petit, tu augmentes son temps de jeu, Ou alors tu attends clairement juin, tu fais une énorme prépa physique avec lui. Là, tu mets Bédoué, tu missionnes Bédoué pour lui faire une pré-prépa ou pour lui faire prendre en volume là, jusqu'à la fin de la saison. Et voilà, c'est ça le rôle de Bédoué, c'était de clairement permettre à des jeunes de passer le cap entre la formation et le milieu professionnel physiquement. Mais là, il a, avec Adli, il a une vraie mission. Petit point rapido, le match s'est terminé malgré tout. À Dijon et Amiens et Dijon se sont quittés sur le score nul et vierge de 0 à 0. Amiens a fini à 10. Et alors, est-ce vraiment une surprise par les temps qui courent? Au bout de 20 minutes, c'est Nantes à domicile qui mène 1-0, un but de Koulibaly face à l'Olympique Lyonnais. Ça... Très beau but. Quand tu vois le niveau de Nantes en ce moment, tu te dis qu'ils arrivent à mener face à Lyon. Alors, vous avez le match peut-être sous le nez, les gars. Ouais, je me dis, c'est que ça doit vraiment aller très très mal à Lyon. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on les joue dans 2 semaines. Donc, ce qui continue comme ça. Hein, ils seront motivés. Ah, ils seront motivés s'ils continuent comme ça. Marc, ouais, on va réussir à Bordeaux, les relancer. Ils arrivent à Bordeaux, ils jouent plus rien. À ce ouais, ouais, on va réussir à les relancer. Gros, pas trop mal. Dans une semaine, hein, par contre. Mais non, il y a Nîmes avant, non? Non. Non, il y a Lyon là avant, après Saint-Té. Oui, il me semble que c'est oui, non, c'est Marseille, Saint-Té, Lyon. Ouais, ouais. Allez là. Et en parlant aussi pour de. Pour moi, je pense que tu dis une bêtise. Pour moi, on se déplace deux fois et on non, reçoit. Non, parce que Nîmes, après. On les a reçus. Donc, enfin, on les a reçus, pardon. Donc, il me semble. Bah oui. Donc, je te dis, on va à Saint-Té, on va à Nîmes et après on reçoit deux fois. Ouais, vérifie le calendrier, mais je crois. Ouais, que c'est la journée 34. En parlant de milieu. Oui. Moi, il y a un milieu aussi que j'ai vu des stats qui sont passées récemment là sur les réseaux sociaux. Oui. Le Ragger. Oui. Mais le mec qui court le plus de Serie A. Exactement. Ah oui. Après, et un mec comme ça, est-ce qu'on n'en aurait pas eu besoin? C'est déjà le cas à Bordeaux. Après, il faut. Enfin, les stats, c'est très bien. Non, mais d'accord, les d'accord. Jeunes, vous aimez les stats. Mais tu vois ces matchs. Après, voilà, tu vois ces matchs. De foot, on n'attend pas juste qu'il court. Hein. Oui, bien sûr. Mais déjà, ce qu'il court, c'est déjà bien. Peut-être que son coach l'utilise dans un rôle différent ou dans un système différent. Non, pas forcément. C'est juste qu'il est comme ça et qu'il a trouvé plus son empreinte dans cette équipe. Et puis apparemment, il reviendra pas, hein, puisqu'il. On aurait dû peut-être plus donner sans carré. Juste en parlant de milieu de terrain, oui. Non, autant pour moi, c'était bien 2 semaines. En parlant de, oh, y a pas de souci. En parlant de milieu de terrain, un petit mot d'un milieu de terrain adverse qu'on connaît bien à Bordeaux et qui ne jouera pas puisqu'il est prêté par les Girondins, c'est l'ami Valentin Valla. Qui sera très belle interview. Qui sera ouais voilà ben j'allais y revenir rapidement ouais. Qui a donné une interview, c'était dans les colonnes de 20 minutes et alors il fait une mini révélation quand même Valentin Valla, il dit en parlant de son prêt, il dit voilà qu'il a j'avais besoin de changer d'air, je ne jouais plus beaucoup à Bordeaux, je n'étais même pas le premier choix sur le banc. Il fallait faire quelque chose, je ne pouvais pas rester dans cette situation et il dit pour être franc, je ne devais pas aller à Saint-Étienne, je devais filer en Italie dans une équipe de milieu de tableau de Serie A. Alors je sais pas si vous le nom est sorti. Non. Mais au dernier moment, j'ai reçu un appel du coach Jean-Louis Gasset et ça a tout changé. Et quand on lui pose la question sur son avenir, il dit « Il faudra voir ce que veut le nouvel entraîneur Paulo Sousa. Et ici, je ne sais pas s'ils voudront me garder comme ils ont fait avec Rémi Cabella l'année dernière. Il faudra prendre une décision. Mais pour le moment, je n'ai pas commencé à discuter ni avec Saint-Té, ni avec Bordeaux. » Donc, pour l'instant, Valentin Valla, stand-by. Je pense qu'il attend de parler à Paulo Sousa pour voir de quoi son avenir sera fait. En tout cas, il ne sera pas aligné demain. Le deuxième chantier, le troisième chantier de Paulo Sousa pour demain, c'est l'attaque. Alors, pas aussi important que la défense, mais quand même, du fait que t'es pas Nicolas Depréville qui est suspendu, ça te fout un peu dedans parce que c'est quand même ton meilleur mec depuis pas loin de 4, 5, 6 matchs maintenant, j'allais dire un moins facile, un peu plus. En plus, il sort d'une prestation face à Marseille où il a fait sa meilleure, je pense, sa meilleure prestation depuis de loin depuis qu'il est à Bordeaux. Énorme, il met un but, il sort sous les ovations. Enfin bon, il y a eu la totale. Et là, boum, il est pas là. Alors, t'auras toujours Jimmy Briand qui fera le taf devant, c'est pas un souci. Mais on lui met qui, Jimmy Briand, pour le soutenir et l'aider sur ce match-là? Kamano, Karamo, Majin. Et il y a Kalou qui revient. Il va bien falloir le tester. Est-ce que Kalou est blessé ou pas? Et Kalou, il sera pas là. Hein. Ouais, Kalou, il sera pas là. Pas non. Donc, t'as Maja qui est là, t'as Karamo, t'as Kamano. T'as Cornelius. Cornelius. Pour moi, je mets pas Briand, les gars. Et Youssouf. Bah mais tu mets qui, Cyril? Moi, je mets pas Briand. Et voilà, mais moi, je mets Kamano, Karamo et Zaïdou. Mais c'est pas des attaques, ouais, voilà. c'est pas des buteurs ces gens-là. Non, mais tu joues la vitesse. À partir du moment c'est FIFA, enculé. À partir du moment où tu joues. Non, mais tu mets Karamo dans l'axe. Tu joues la vitesse. Tu mets Karamo en faux neuf. T'as du Nidio 600 non cette race, Cyril. Mais quoi? Il te faut. Attends, Briand, c'est footballistiquement parlant. C'est je pense que c'est un des mecs les plus intelligents de Bordeaux. Mais on le sent. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il va devoir courir après le ballon. Mais Briand, il prend personne de vitesse. Mais non, mais. Non, Cyril, tu dis du défi, je trouve. Vas-y, dis. Tu prends personne de vitesse avec Briand. Mais ça tombe bien, c'est pas ce que tu lui demandes de faire. Alors, toi-même, tu dis que tu dois aller jouer au kick and rush et compagnie. Et bien alors, dans le kick and rush sur les trois ils vont pas courir. Hein. On t'a jamais appris à l'école de foot de pas faire deux fois le même appel avec deux mecs? Ouais, bah, d'accord. Si mais tu après, veux. C'est pour ça que là, donc, ton Caramo, coup, donc, Camano, coup, ça bien, m'aurait pas dérangé. C'est tellement bien, c'est tellement bien en extérieur que de courir avec Briand qui marque énormément à l'extérieur. Mais c'est pas une question de marquer, il pèse. Tu peux, il décroche, il fait ce que tu veux. Ce qu'il faut rappeler, c'est que si jamais il passe dans un schéma avec 4 défenseurs, il va sûrement jouer avec 2 attaquants. Et non. La perte. Pourquoi? Parce que ça le fera pas. Il a pas les joueurs pour. Dans un 4-4-2? Ouais, non, mais c'est son organisation défensivement quand il est en 3-4-3. De quoi, le 4-4-2? Ben non, devant ils sont 3. Non, quand il y a le repli défensif, Koundé passe à droite. Il repasse à 4. Ouais. Quand il y a le repli défensif, ben non, normalement t'es à 5 derrière du coup. Ah non, non, non, non, non. Non, parce que l'autre il coulisse un peu plus haut pour aller chercher le joueur, donc tu restes à 4 derrière. T'es deux ailiers chelous qui redescendent. Donc du coup t'es à 5 derrière. Non, t'en as qu'un seul qui redescend. Bah si t'es en face de défense, t'en as qu'un seul qui redescend et t'as un attaquant qui redevient milieu de terrain sur une des ailes. Non, mais dans un 3-4-3, t'as forcément Pungé et on va dire Sabali, tu les mets dans le milieu dans le 3-4-3. Non. Mais tu les mets. Ah oui, si, pardon, oui. Oui, donc, oui. Donc t'es à 5 derrière. Mais non. Si. En phase défensive, du coup, t'es en 5-4-1. T'es en 5-4-1, c'est de la pure logique. Hein? En phase défensive, t'es en 5-4-1. Et en phase offensive, 5, 3. Exactement. Merci. Non, je suis pas sûr que ce soit ça. Mais regarde, 3. 3, t'es d'accord, 3 centraux. Non, mais on est d'accord, mais quand tu défends, c'est pas ce qu'il a expliqué dans ses interviews. Non, mais c'est hybride, Paolo Sousa, ce qu'il fait. C'est hybride dans ses interviews. Quand tu défends, t'es deux latéraux. Pour moi, ça, c'est même pas des ailiers, ce sont des latéraux offensifs. T'es pas obligé de faire redescendre tous tes latéraux. Non. Quand on défend, tu vois, en fait, je pense que ça défend aussi la configuration des attaques adverses, mais tu prends le cas de Marseille, quand tu défendais, tu étais à deux lignes de 4. Quand le ballon était à gauche, par exemple, tu avais, quand le ballon était côté gauche pour Marseille, tu avais Sabali qui jouait le rôle de milieu droit, ça, tu avais. Logique. Mais ça, c'est normal, ça. Donc, t'avais une ligne de 4 et une autre ligne de 4. Et quand le ballon était de l'autre côté. Mais ça, c'est parce que ton bloc, il coulisse. Voilà. Donc, t'es jamais figé comme sur un football manager. Mais vous dites pareil, mais c'est juste que. Mais t'as fatalement, t'as toujours une ligne de 4. T'as jamais une ligne de 5. Non, mais ça n'a jamais une ligne de 5. Mais c'est pas une ligne de 5, mais t'as forcément les 5 qui retournent. Tu peux pas dire que ton latéral, il est là et que l'autre, il est là. Mais si. Qu'est-ce qui se passe? Mais non. Alors, laisse-moi finir. Il est pas là-haut, il est là. Laisse-moi finir. Mais tu regarderas. Ils en ont parlé sur. Ne va pas nous l'énerver. Jusqu'à présent, tout se passe bien. Ça se passe bien, mais je suis juste pas d'accord. Je sais. D'accord. T'as pas à être d'accord, mais je t'invite à. Si tu veux, je te montrerai le replay. Mais montre-le moi maintenant. Ils en ont parlé sur Canal. Tu as ta connexion internet. Je peux pas, j'ai pas le compte Canal. Mais. Il a Canal, Enzo. Tu regardes le replay de l'après-match. Tu avais clairement, ils ont fait des arrêts sur image quand par exemple le ballon était côté gauche. D'accord ? Jusque là on est d'accord, tu vois ce que ça fait sur un terrain côté gauche. Je vois parfaitement ce que tu avais fait. Vraiment. Voilà, est-ce que tu. C'est bon. Je suis pas sûr. Sinon, c'est l'autre. Oui, mais là on est côté gauche Marseille, donc le ballon est à gauche sur une attaque. Donc t'es côté Sabali. Sabali était réellement milieu droit. Koundé était vraiment arrière droit. Tu avais deux centraux dans l'axe et tu avais Pungé milieu gauche. Et tu avais, je crois que c'était côté gauche, c'était deux Prévis qui venaient faire le rôle de milieu gauche. Mais c'est ce que je te dis. Au final, dans t'es le comme cas. L5, sauf que Sabali, il est obligé, footballistiquement parlant, de monter d'un cran pour aller attaquer le ballon. Et c'est ce que je t'appelle. Donc ça s'appelle tu es le à principe de la ligne coulisse. De 4 et mais ça ligne s'appelle de 5 défenseurs quand même. Mais c'est juste oui, de la si coulisse. Tu veux, non, mais c'est au milieu. T'es jamais à 4 quand même. En fait, c'est ce que je te dis. La même chose. C'est bien ce que je veux. Non, c'est pas la même chose. Non. Si c'est de la même manière, parce que comme disait Marc, c'est-à-dire qu'en gros, la fonction hybride de Koundé à la base, de passer à droite et dans l'axe, c'est justement dans les phases défensives, t'as Koundé qui décale, t'as une défense centrale, Pablo Jovanovic, si et Pungé qui redescendait. Mais même si tu pars de ce principe, quand t'as le ballon, normalement, quand tu as le ballon, t'es trois centraux, en fait, t'en as plus qu'un au final. Parce que et les deux autres écartent, puisque t'as tes deux latéraux qui partent loin. C'est ça. Donc c'est pareil, de l'autre côté, ils resserrent dans l'axe. Et après, c'est le bloc qui fait le. Forcément, bien sûr, ils sont pas tous sur la même ligne, c'est logique. D'accord. Enfin, quoi qu'il en soit, est-ce que je veux dire. Là, c'est normal. Après, t'as déjà des défenses à 5 où les mecs sont alignés à 5 et 4 milieux. Ouais, c'est plus que ça que je comprenais de ce que Berlin disait. Non, il disait, Marc, t'as plus des défenses. Je sais plus ce qu'il disait d'ailleurs. Des défenses qui jouent à 5 et avec un milieu à 4. Et je peux t'assurer que c'est les attaquants qui coulissent et t'as une ligne de 5 derrière. C'est pas ce qu'on retrouve à Bordeaux. À Bordeaux, tu as pas un attaquant qui descend pour faire le nombre au milieu. Putain, t'es sérieux ou quoi? Il vient de me montrer un replay. Mais on joue à 3 attaquants, 2 milieux. Qu'est-ce que tu veux faire à un moment? Il y a toujours 2 attaquants. Il vient de me montrer le replay. T'as toujours 2 attaquants. Qui a fait la coulisse. Bah, regarde replay, donne-lui tes codes. T'es en 4-4-2, donc s'il y a 3 attaquants, il y a forcément un qui fait la coulisse. En 4-4-2, t'es en 3-4-3. Non, mais peu importe, de toute façon, demain, il faut se défendre. En 4 Marc, Marc. Il faudra se dire que dimanche, ça sera quand même un match, dans nos analyses de lundi soir, ça sera quand même un match, entre guillemets, un peu à part, puisque du fait des absences, Paulo Sousa, on verra pas l'équipe qu'on verra, ne serait-ce que le week-end d'après à Nîmes. On verra pas l'équipe qu'on verra. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il voilà, merci Romain, il faudra l'interpréter autrement dans le débrief et pas tirer des conclusions peut-être trop hâtives sur notamment la défense. Qui, rappelons-le, alors Levchuk, franchement, je suis curieux, il faut essayer de retrouver la stat de quand Igor Levchuk a joué son dernier match titulaire en octobre. En Europa League. Bah, t'imagines ? Septembre, octobre. Ça fait longtemps, ouais, quand même. Ça fait 8 mois. Ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Il a beau se préparer, faire tout ce qu'il veut, le mec, il a plus la Je me demande même si c'était pas ult avec Mariupol, ou alors il a dû en jouer un par-ci par-là. C'est-à-dire que 8 mois avec plus de rythme. Plus des automatismes peut-être perdus. Bah c'est ça, dans une défense à 3 avec Levchuk, moi aussi c'est ce qui me fait peur, voilà. Parce qu'il y a pas vite, mais Koundé, s'il vous plaît, attendez, je vais couper le micro, voilà, allez-y, vous pouvez débattre. C'est après voilà, Levchuk, dans les souvenirs que j'ai, il a fait le taf aussi quand on a fait appel à lui en Europa League. Ouais, mais après on le mettait pas forcément dans l'axe en Europa League. À droite aussi. Ouais. Voilà, on décalait plus souvent à droite. Il me semble Koundé Pablo dans l'axe. Mais vous inquiétez pas, il sera pas à droite. Il faut quand même aussi noter que Levchuk, ça fait combien de temps qu'il a pas joué ? Septembre, octobre, oui. Vous imaginez le manque de rythme ? Moi, je préfère limite voir Sissoko qui a au moins un match par semaine dans les cannes plutôt que Levchuk qui n'a pas joué une minute depuis 6 mois. Alors ça veut pas dire qu'il sera pas bon, mais il va prendre des mecs en pleine bourre, parce que Kazri, Kabela, en ce moment ils sont en canne. Mmh. Oui, d'accord. Donc du coup les gars, vous en êtes arrivés à la conclusion que Adrien il est arrivé. Ah mais tu sais quoi, mais vas-y, donne notre touche-touffe. Moi je dis qu'on défend à 5. Voilà, et sur les phases offensives. Ok, alors si jamais la personne qui connaît quand on mène au score, on passe en 4-4-2. Voilà. Ouais, voilà. Mais quand tu défends, tu passes en 5-3-2 en fait. Avec les modulations suivant la hauteur de ton bloc. Comme dans toutes les équipes. Voilà. En bloc bas, t'es à 5. En bloc médian, t'es à 4. Et en bloc haut, t'es à 3. Mais c'est normal, on est tous la même chose en fait. On se calme parce que ça fait presque une heure qu'on est là-dessus. Donc on va passer à la suite. Avant de passer à la suite, pour revenir à la ligne d'attaque, moi ce que je pense, après on peut pas être d'accord, c'est que Paulo Sousa va repasser en 4-4-2. Puisqu'en 3-4-3, moi j'ai du mal à imaginer que ça puisse être possible. Et si jamais il doit faire un 4-4-2 avec ses deux attaquants, il va, je pense, associer Camano et Brian ensemble aussi. C'est ce qu'il a déjà fait plusieurs fois et ça avait plus ou moins bien fonctionné. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il associerait quelqu'un d'autre, même s'il a dit qu'il voulait voir d'autres joueurs. Je suis pas sûr qu'on le revoie, Caramo, d'ailleurs. Alors, moi, Romain... Bah, peut-être à droite, Romain, je pense exactement comme toi. Franchement, Paulo Sousa, il est pas fou. Il sait que Caramo, l'année prochaine, il sera plus là. Je suis même pas sûr qu'on revoie Caramo. Ou alors, peut-être des bouts de match à la fin, un quart d'heure, si t'as un résultat à aller chercher ou ce genre de truc. Parce que tu vois, par exemple, la semaine dernière, tu joues contre Marseille, même si, t'as le score favorable... Il fait rentrer Lautin, d'accord, mais il y avait Caramo qui était aussi sur le banc. Il aurait peut-être préféré quelqu'un avec plus d'expérience et qu'on connaît tous un peu plus, quoi, histoire d'être rassuré. Mais non, il a mis Lautin, C'est clairement un message. L'entrée de Lautin avant Sankaré, pour moi, je le prends clairement comme un message envers Sankaré. Ah bah aussi, oui, c'est clair. Mais même pour Caramo, moi, je suis pas sûr qu'on va le revoir. Est-ce que c'est pas un message plutôt à Lautin de lui dire, bah écoute, gamin, si tu veux être là l'année prochaine. C'est un double message, c'est Lautin. Lautin, j'ai confiance en toi, et Sankaré, je compte plus sur toi. Parce qu'il a fait. Lautin, t'es dans le groupe, maintenant, fais ce qu'il faut pour évoluer correctement. Et puis, bah, les autres. C'est un message à tout le monde, c'est un message à Maja, c'est un message à Adli, c'est un message à Zaïdou, à tous ces jeunes. Oui, vous allez avoir votre chance. Et c'est pour ça qu'il a toujours sa blessure. Toujours blessé encore. Mais je pense que Maja, il est potentiellement. Tu peux le voir aussi ce week-end à Maja. Moi, je pense. Même si Brian est aligné, je pense que tu verras quand même Maja dans cette espèce de 4-2-3. Enfin, non, pas 4-3, 5-3-2-1. Enfin, je sais pas comment dire là. Enfin. Vous avez compris, avec un attaquant et deux soutiens. On nous a appris à compter 1, 2, 3, 4, 5 pour apprendre à faire des 5, 4, 3, 2, 1. Non, mais plus un. Attends, comment dire, un 5. 5, 2, 1. Enfin, 5, 2, 2, 1. 5, 2, 2, 1, c'est ça, c'est plus ça, c'est un 5, 2, 2. Autour de cette table, tu dois être celui avec Marc qui a le niveau d'étude le plus élevé, donc c'est à toi de te démerder avec tes chiffres. Non, mais c'est ça. Non, il y a Adrien aussi. 0, 0, 1, 1, 0, 2. Non, mais tu joues en 3, 2, 2, 1. En clair, tu vois, tu joues avec deux milieux, deux genre milieu offensif et un attaquant. J'en peux plus, attends, c'est schéma 3, 2, 2, 1. Ouais, 4, 5, 1. Oui, t'en manque un. Il t'en manque 2. Enfin, 5. Non, mais 5, 5, 2, 2, putain. Mais... T'as des schémas tactiques aujourd'hui, c'est 3, 3, 3, 1. Non, mais non, mais tu le vois quand tu peux... disais à Canal, alors ça, ils sont 3, 3, plus 3, 3, dans 1. Un 4, 2, 3, 1. Ouais, 4, 2, 3, 1, c'est 4, 5, 1, quoi. 3, 2, ça fait 5. Ouais, mais non, c'est différent. T'as des positionnements différents. Ça dépend si c'est un ailier, un milieu. T'avais le WM, le diable. Le WM. Non, mais du coup, c'est pour ça, tu sais, là, tu vois depuis quelques matchs que Souza, il aime bien jouer avec un attaquant fixe et avec deux mecs qui tournent autour. Ça, on est pas vraiment des ailiers, mais plus des mecs rapprochés qui jouent en deuxième, troisième attaquant. Et alors, je suis persuadé que Maja, il peut jouer à ce poste potentiellement. Alors, après avoir débattu de la méthode, après avoir débattu des hommes, nous allons débattre du score, des compos. Je manque à tous mes devoirs. On n'a pas fait les compos. On va commencer, Marc. Alors, on va faire vite parce qu'on est nombreux. Marc, ta compo, freestyle, 4-4, ce que tu veux. Ce que tu veux, mais donne des noms. Alors, je remplace Pablo par le jeune qui fait 2 mètres, là. Sissoko. Merci. Avec Koundé. Je mets de... Eh merde, comment il s'appelle, le petit... Palencia. Non, Palencia, merci, à la place de Sabali, que je ne peux plus voir. Bon, je laisse Pungé, parce que je n'ai pas changé la moitié de l'équipe. Et parce que personne, au milieu... Parce que si, il y avait l'arrière-gauche qu'on a vu la dernière fois. Richard, mais il a été suspendu. Non mais arrêtez avec Pungé, il y a pas meilleur actuellement. Oui non mais Cyril a raison, meilleur non. Ce que je veux dire c'est que. Oui t'as raison, meilleur non. Mais ma défense c'est la même. Ah oui mais il y a Leschou qui est pas là. Mais si. Il est là. Si, oui, je mets. Ah putain. T'as mis Sissoko à la place de Koundé mais tu peux mettre Leschou. À la place de Koundé. Mais non mais il faut bien remplacer Jovanovic. Non mais en 4-4-2. Ah il est en 4-4-2. Oui. Non je suis pas en 4-4-2, je suis en 3-4-3. Ah ouais non mais je peux pas jouer à 3 derrière et 3 mecs qui ont jamais joué ensemble dans 2 qui ont pas l'expérience de la ligue. T'imagines, tu mets Sissoko, Koundé. Je réfléchis. Alors Bernie Ecclestone. Yes. C'est le seul Bernie que je connaisse. Hein. De quoi? Bernie Ecclestone. Moi je sais même pas qui c'est. C'est l'ancien patron de la Formule 1. Ou le patron actuel de la Formule 1. C'est bien, je suis content pour lui. Ouais moi je connais Corneille et Bernie. Moi les 3 derrière, Sabali, Koundé. Sauf que lui il a pas d'enfant. Levchuk. Mes deux pistons, on va appeler ça Pungé et Palencia. Au milieu, Otavio et Basic. Et devant, Briand, Camano, Maja. Enzo Lito. Moi, la même. Kalou est vraiment blessé ou suspendu? Oui. Ah bah, okay. Apparemment, blessé, oui. Moi, je peux t'amener quoi? Au milieu, Otavio, Basic. Ouais, bah, je pense la même chose que Bernie. Cyril. Et t'as pas les devant? Ouais, mais de toute façon, je pense qu'on va tous rester en 3-5, enfin en 3-4-3 là. Ouais, du coup, ouais, Sabali. Sabali, troisième. Ou Pungé. Moi, j'aurais bien aimé voir Pungé, moi, dans ce poste-là. Mais après, c'est vrai que la vitesse qu'il a sur le côté, ça peut vraiment. Voilà, même que Bernie, je vais me coucher, je vais me mouiller. C'est chaud là. Lucas, 4-4-2, Costil, Sabali, Koundé, Levchuk, Pungé, Palencia à droite, Youssouf à gauche, Otavio, Basic, Camano, Briand. Voilà. T'allais trop vite. Bon, après, il a eu plus de temps pour réfléchir. Ah, quand même. Non, vas-y, refais-le doucement, parce que t'as toujours un quoi. 4-4-2, Costil, ouais. Donc Costil, oui. Costil, Sabali, Koundé, Levchuk, Pungé à gauche, ouais. Palencia à droite, Youssouf à gauche, Basic. Tu mets Palencia au milieu, du coup? Oui. Parce que je pense qu'il peut plus, comment dire, apporter offensivement peut-être que Sabali. Le gros problème de ton 4-4-2 à plat, c'est qu'en face il y a Mvilla qui casse les lignes, mais avec ses passes. Après mais... son 4-4-2, il tient la route parce que Paulo Souza, la Fiorentina, il a aussi joué en 4-4-2. Alors en parlant même la Tel Aviv contre Bordeaux, il nous a battu avec ça. Donc Ouais, non, mais bon, en face il y a quand même un milieu récupérateur qui s'appelle Mvilla qui. Ouais, mais pour le coup, tu vois, t'auras peut-être plus de stabilité défensive justement face à des Mvilla qui peuvent casser des lignes en 4-4-2 plutôt qu'en 3-4-3. Il a plus d'espace. Pour terminer. Oui, qu'est-ce que égalisation en direct de Martin Terrier, magnifique. Je vais dire après aussi, ton 4-4-2, le problème entre Nantes, tu la trouves magnifique. Ce que j'ai un problème avec ton 4-4-2, c'est le. Ça me fait penser au côté droit de Laurent Blanc en Ligue des Champions contre Manchester City, mais pas un seul vrai mec potentiellement offensif. Oh, et Palencia, c'est ça, moi, qui me dérange. Et il avait fait pareil en équipe de France aussi. Et ça me dérangeait énormément. Bon, enfin, Palencia, il est pas reconnu pour avoir des centres à la Beckham. En parlant de. Pour terminer avant de passer au prono, en parlant de Mvilla, il est assez remonté, Yann Mvilla, puisque dans les déclarations d'avant-match au point presse, il a dit voilà, on voulait. Alors, le match d'avant, on voulait absolument gagner Amiens, mais on s'est rendu le match difficile. Ils ont fait 2-2 après, ils ont fait 2-2 après avoir mené 2-0 chez eux. Et là, il dit il y a un sentiment de revanche. contre les Girondins. Quand on pense au match de la phase aller, on les avait battus 3-2, et à celui de l'année dernière où on les bat 1-3 chez eux, on est quatrième. Beaucoup d'entre nous pensent à l'Europa League. J'aimerais faire une Coupe d'Europe avec Saint-Etienne, ce serait kiffant. Quand on voit nos supporters, on se dit qu'on doit être gérant, blablabla. Enfin, une villa, il est remonté comme une pendule. Messieurs, ça va être l'heure donc de d'affûter vos pronos. Jingle. Quel est votre pronostic? Pronostic. Oui, votre pronostic. Une boucherie. Enzo, avant de passer aux pronos. Alors, sur les pronos, alors on vous a posé la question aussi sur les réseaux sociaux. Donc, il y a Isabelle qui nous dit 2-1 pour Bordeaux. Est-ce qu'elle a les yeux bleus? Je sais pas. Mais je crois que Rico la connaît. Ensuite, il y a Tilian qui pronostique 2-0 pour Saint-Etienne. Tilian Mbappé, ouais, j'ai pas osé la faire. Mais bon. Et après, FCGB Fan 1 qui dit 3-1 pour Saint-Etienne. Ou alors peut-être pour Bordeaux, je sais pas, mais normalement c'est dans l'ordre, c'est Saint-Etienne. Ah bah s'il dit 3-1, c'est normalement, Saint-Etienne. Il y a beaucoup de gens qui disent 3-1 en parlant voilà, parce qu'on parle de Bordeaux en premier, mais. Voilà. Vos pronos, messieurs, Marquinhos, Bernie, un partout, Marc. Si c'est pour dire pareil, dis pas. 2-0 pour Saint-Etienne. Ah quand même. Il n'a pas de compo, il te fait 2-0. Il est sur le site de son taf, 2-0. Enzo, 2-0 pour moi, je vois bien un petit 2-2 là, bien un beau petit match. Cyril. Pareil. 2-1 Saint-Etienne. 2-1 Saint-Etienne, Lucas. 2-0 Bordeaux. 2-0 Bordeaux. Romain, t'as dit 2-1 aussi, toi? Non, moi non, je dis aussi 2-2 parce que bon, défensivement, je pense pas que ça va être deux grands matchs. Enfin, deux grosses défenses. Puis, pardon, je pense qu'il va y avoir du but. Je pense qu'il va y avoir du but. Ça peut être, alors, dans l'histoire des Bordeaux, des Saint-Etienne-Bordeaux, franchement, le dernier 0-0, c'était il y a 6 ans, c'était en 2013. Et sur les 10 dernières années, c'est le seul. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a au c'était moins notre meilleure un année, but. Celle-là. Il y a 1-0, 2-2, 3-1, il y a beaucoup de 3, hein. 3-1, ouais, 3-2, 2-2, 1-1, enfin il y a beaucoup beaucoup de buts à chaque fois sur les Bordeaux Saint-Etienne ou Saint-Etienne-Bordeaux, notamment bah, le match aller, hein, on a vu 5, quand on s'est imposé 3-2, donc ça peut être un match à but, après voilà, à voir, bon ça sera pas non plus la fin du monde si on gagne pas à Saint-Etienne ou si on prend pas de points à Saint-Etienne. Oui mais voilà, là t'as deux équipes, qui t'en as une qui essaye de, être dans qui veut gagner. Ce qui serait bien c'est d'être au moins dans la continuité de ce qu'on fait. Ouais, depuis l'arrivée de mais surtout de quand tu regardes le match, t'as une équipe qui est obligée de gagner pour essayer de ils ont la Ligue des Champions à aller chercher en plus face au rival lyonnais, donc c'est pas tout pour eux, donc c'est sûr qu'ils vont jouer surtout à domicile, et en plus le Geoffroy Guichard va être plein, donc ça c'est sûr. Et après t'as Bordeaux en face qui n'a quasiment plus rien à jouer, qui doit gagner parce que il faut qu'on monte le plus haut possible pour gagner le plus d'argent possible avant pour la fin de la saison, et c'est pour ça peut potentiellement créer un beau match avec deux équipes qui sont libérées et qui espèrent tous les deux gagner. Pour terminer sur ce Saint-Etienne-Bordeaux, avant de passer au débat sur Jules Koundé et si on a le temps, on reviendra aussi sur Pablo. Un petit mot quand même sur Paulo Sousa, dont Jean-Louis Gasset nous a dit en conférence de presse d'avant-match qu'il était assez impressionné entre guillemets, puisqu'il dit voilà, depuis l'arrivée des Girondins ils n'ont pas perdu depuis son arrivée aux Girondins ils n'ont pas perdu contre l'OM, ils ont été impressionnants dans la générosité, la détermination, leur coach a gagné la Ligue des Champions deux fois et il a travaillé avec les plus grands, il doit avoir les méthodes, ce n'est pas n'importe qui. Donc Jean-Luc Gasset qui voit plutôt d'un bon œil l'arrivée de Paulo Sousa. Paulo Sousa, on va en parler un petit peu quand même, parce que dans nos débriefs, surtout après Marseille, on n'en a pas parlé quasiment pas du tout. Ouais, j'ai un petit truc à dire dessus. Ouais, Romain, vas-y alors. Non, parce que justement, tu parlais de continuité tout à l'heure, c'est ce qu'on veut voir depuis, sur les matchs qui vont arriver. On veut de la continuité par rapport à ce qu'il propose depuis qu'il est arrivé. En fait, il l'a répété, il y a un truc qui est non négociable. Ce qu'il veut, c'est la culture de la gagne et l'intensité en fait qu'ils mettent dans les matchs, et ça il l'a répété encore en conférence. C'est exactement ce qu'on a vu face à Marseille. Et je pense que ça c'est justement la continuité que tu parles, c'est que peu importe les joueurs qu'il y aura, dans tous les cas ce qu'on veut voir c'est la mentalité, comme il dit tout le temps, la mentalité. C'est cette mentalité là tout le temps à tous les matchs, et ça c'est pas négociable, c'est pas par rapport aux joueurs ou quoi, c'est comme ça, ce sera tout le temps comme ça. Donc si ça déjà ça commence à s'installer même en changeant des joueurs, ce sera quand même déjà un bon signe. Oui. Marc, monsieur, non, je crois que tu as levé la main. Ah. Il part plus. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est la continuité de ce qu'on a vu face à Marseille. Comme tu dis, peu importe à la limite les changements, les systèmes et ce qu'on veut, si tout le monde a la même envie, voilà, et la même détermination que ce qu'on a vu face à Marseille. Alors évidemment, il y aura des ratés parce que là surtout demain, ça va être dimanche, ça va être un peu expérimental. Donc il y aura des ratés techniques, tactiques, oui, il y en aura, même physique, il y aura des loupés, mais au moins si on arrive au moins à voir ça, ça sera déjà pas mal. Question bête, est-ce que Bordeaux est capable, je vais peut-être en demander un peu trop, mais est-ce que Bordeaux est capable de reproduire sur ces 6 dernières journées, dans l'intensité et dans l'envie, ce qu'ils ont fait face à Marseille? Non. Pour moi, franchement, je vais vous le dire, allez, c'est pas pour faire le gars toujours pessimiste, mais pour moi, c'était un espèce de one shot. Alors, il va y avoir Lyon. Ça va peut-être se confirmer face à Lyon. Pas un one shot, mais un truc un peu. C'est Marseille, le stade il est plein, tout le monde est en feu, on est chaud, tu vois ce que je veux dire? On ouvre vite le score. Cette espèce de soirée celle que t'as vécu face à Paris, quoi, tu vois. Ouais, non, mais bon, c'est. Tu l'as vu une fois, tout le monde était là, dire putain, s'il pouvait à chaque fois faire la même chose, et derrière. Justement, on va voir, parce que Souza il veut pas de ça, justement. Lui, il veut tous les matchs que ce soit la même chose, voilà. C'est ce qui me même fait. Même principe, même intensité. C'est ce qui me fait peur, Roman, on va pas se mentir. Tu regardes. Ah bah, bien sûr. Tu regardes le début de Paulo Souza, il mettait 2 entraînements par jour, et puis il y a eu des blessés, et puis maintenant ils sont revenus au rythme Ayane, un entraînement par jour, il voulait peut-être juste les mettre à niveau physiquement, comme il avait dit au début, il avait dit ouais, physiquement. Bah après, il avait quand même pas mal de taf en arrivant, il fallait quand même qu'il fasse un. J'ai peur quand même que la routine reprenne son dessus parce que je vais vous rappeler de Gilot et ses ballerines Sagnol qui disait que aussi qu'il fallait se battre sur le terrain, qu'il en avait marre des mecs qui mouillaient pas le maillot. Et tous, à un moment donné, ils ont eu ça, ils se sont tous heurtés à la différence, Cyril, c'est qu'ils étaient sous l'ancien régime, si j'ose dire. Non, mais oui, mais donc du coup, on va le voir. Mais pour moi, le fait de voir qu'un entraînement par semaine cette semaine, c'est pas forcément un bon signe. La semaine dernière aussi, d'ailleurs. C'est pareil. Il serait incapable de les tenir. Donc, tant que t'as pas eu une préparation physique digne de ce nom, parce qu'en fait, c'est ça le problème. Sa préparation physique de début d'année et d'intersaison, ça sert à rien. De toute façon, ils sont incapables de le faire. Donc, vaut mieux travailler autre chose. Je pense qu'ils font du tableau noir. Ils veulent faire plus de choses comme ça et faire des entraînements. Ils savent pas les tenir. Ils tiennent pas. Donc, de toute façon, la saison, elle est finie. Il lui reste un mois plutôt que de cramer les joueurs avec une préparation physique pour qu'ils puissent tenir. Alors que dans 4 semaines ou 6 semaines, c'est terminé. Autant qu'ils soient en forme pour jouer à peu près les matchs et essayer de voir quelque chose plutôt que de les cramer et que t'aies besoin de 2 mois pour digérer la préparation physique et que ça soit mort. Je pense que son conseil est là. Par contre, si jamais en juin, juillet, je vois pas une préparation digne de ce nom, je me poserai des grosses questions et je te rejoindrai sur ta remarque. Par contre, là, ce qui peut être intéressant, c'est que ça fait quelques années qu'à Bordeaux, on joue l'Europe. On est qualifié en Europe. Et à chaque fois, tu dois prévoir tes saisons en fonction de cet objectif qui est l'Europe. Donc à chaque fois, tu commences ta préparation bien avant, tu te crames pour être bien prêt à ce moment-là. Mais là, ça va être là, en fait, tu reprends vraiment à zéro avec, avec cette saison. Parce que tu repars avec des nouveaux dirigeants, tu repars avec une équipe qui jouera comme les autres, pas avec des matchs en plus, et tu repars aussi, tu pars au même moment que les autres qui ne sont pas non plus en Coupe d'Europe. Donc ça, c'est un avantage aussi. Ceux qui ne sont pas en Coupe d'Europe, parce que ceux qui seront en Coupe d'Europe, en l'occurrence Strasbourg, et pour l'instant, c'est qui? C'est Saint-Étienne qui est quatrième, si je ne dis pas de bêtises. Tu peux même rajouter peut-être Lyon dedans, qui sera obligé de passer par les barrages. Et Lyon qui sera peut-être obligé de passer par les barrages. Oui, il y aura une vraie prépa. Alors après, Marc, juste pour préciser, préciser ta pensée, tu nous as dit si je vois pas une préparation physique digne de ce nom, mais tu bases sur quoi? Parce qu'honnêtement, on va pas se mentir, les préparations physiques des saisons précédentes, on n'en savait rien si elles étaient dignes de ce nom ou pas dignes de ce nom. Tu le sauras après, tu vas le voir après, tu vas voir sur la condition, tu vas voir sur l'entraînement, l'enchaînement des répétitions des entraînements. Il y a ces petites choses qui viendront quand même un petit peu égayer ta réflexion. Enfin, là, il aura du temps pour préparer tout le monde. Là, il fera une préparation classique. Il aura 2 mois pour conditionner tout le monde. Là, il sera dans les bonnes conditions quand même, normalement. On oublie une chose quand même, les enfants, c'est que la préparation, pour moi, elle sera quand même très, très largement liée au mercato. Parce que si tu n'as pas rapidement un groupe formé début de ta prépa, ça va être... Il y a des euros aussi. Il y a l'euro 19, tout ça, il y a plein de trucs. C'est ça, c'est que il va avoir énormément d'absents, il va avoir la CAN, il va avoir l'euro 19, il va avoir... Enfin bref, il va avoir plein de joueurs qui vont... Et puis il va avoir le mercato aussi, en sachant que tu sais pas sur quel banc se porte Sabali, si jamais il est plus sur le départ, etc. Il y a tout plein de choses comme ça qui vont en dépendre, mais aussi ce qu'il faut noter, c'est qu'il aura sûrement peut-être 10, voire 20 matchs de moins qu'il aura joué par rapport à ceux qu'on a commencé, au nombre total de matchs qu'on a eu cette année. On a quand même commencé en juillet la saison. Là, il va pas commencer en juillet, il va la commencer. C'est début août, voire mi-août. Voilà, exactement. Quand le championnat va débuter. Peut-être 2-3 semaines après que nous, on ait déjà préparé la note avec le deuxième ou troisième tour d'Europa League, je sais plus. Yep. Bien, messieurs, 21h37, on n'est pas trop mal, donc on va enchaîner sur la petite info, les petites infos qui sont tombées aujourd'hui, et notamment sur la petite décla de Joe Da Grossa sur Jules Koundé, puisque, alors attendez, je retrouve ma petite, de Varela, pardon, je confonds avec Da Grossa, c'était sur la suspension de Pablo. Et à noter aussi que Daniel Mancini joue remplaçant avec Auxerre et il vient de rentrer. Alors Auxerre actuellement, ils sont 15e, ils font 0-0 à Niort. C'est la 80e minute sur les pelouses de Ligue 2. Il y a pas mal de buts, ça a scoré. Quelqu'un a des paris en cours ou pas là, non ? Non, personne. Okay. Dommage. Parce que qu'est-ce qu'on a ? C'est qui le leader ? C'est Metz qui mène 2-0 à Châteauroux. Qui monte s'il gagne, non ? Ah, je sais pas s'il monte, s'il gagne. Vous avez vu, alors un truc entre parenthèses, après tu dis des fois à la Ligue. Rodez qui monte de national en Ligue 2. Vous savez où ils vont jouer leur match en début de saison ? Guignon. Non, pire que ça. Non, Romain. Ils vont jouer à Bastia. À Furiani. C'est sûr, c'est à Bastia ? Ah, ça y est. Au moins jusqu'à la trêve, c'est à Bastia. T'es supporter rodésien, ruténois. T'es heureux. Déjà, ton équipe, tu n'iras pas la voir à l'extérieur parce que t'as peut-être pas forcément les moyens. Et en plus, à domicile, tu pourras pas la voir non plus. Ou si t'y vas, c'est une fois par mois parce que ça coûte une blinde d'aller. Même pas en tant que supporter, même en tant que joueur. Enfin, ça doit être horrible. Ouais, mais les joueurs, la Corse, ils y vont en avion. Je veux dire, ils s'en foutent. Ouais, mais c'est pas une question de ça. C'est que t'as pas tes supporters. Je pense qu'au Monaco, s'ils avaient des supporters, après, ils pourraient faire bien plus. C'est la Corse. Donc, vu qu'ils aiment personne, ça sera Rodez. Paris, ils seront pour Rodez, ça sera Rodez-Amiens, ils seront pour Amiens, la Ligue 2, tout ce qui est... Ils vont crever les pneus du bus, et ce sera fini. Bref. Je pense qu'il y avait peut-être un truc plus près que Rodez pour accueillir cette équipe. Ouais, parce qu'il parlait de Guignon aussi, à un moment, c'est pour ça. Ouais, Guignon, en fait, j'ai l'impression, Bastia avait joué à Guignon, si rappelez-vous, pendant quelques temps. Il y en a eu plusieurs clubs comme ça. Guignon, c'est... Voilà, tu sais pas où... Guignon, c'est un peu le stade à tout le monde, quoi. Donc, pour revenir sur Jules Koundé, d'après le journal L'Équipe, c'était ça le 9, on est le 12, c'était mardi. L'Équipe nous annonçait que Jules Koundé attirait pas mal de convoitises. Je vous rappelle qu'il est en contrat jusqu'en juin 2023. Il est estimé à 25 millions d'euros, plus ou moins, hein, sur le marché. Et c'est Hugo Varela, directeur sportif officieux du FCGB, qui s'est expliqué dans L'Équipe. Il a dit « Nous voulons le garder et bâtir une grosse équipe. À moins de recevoir une offre hardcore, on ne le vendra pas. Ma question que je vais vous poser, messieurs, elle est très simple. Koundé est-il intransférable ? Et Bordeaux doit-il s'en séparer en cas d'offre, pour reprendre le propos de Varela, hardcore ? Oui ou non ? Intransférable. Et en essayant de développer un peu quand même. Personne n'est intransférable. Et oui, une offre hardcore pour moi à 30-35, tu le vends. Donc hardcore, on estime que c'est à partir de combien ? Moi, c'est 30-35. Moi, pour moi, c'est plus 40-50. Ouais, moi, je mets 40 millions. Ouais, on est d'accord 45. Sur l'hardcore quand même. Ouais, moi, je te dis. Pour moi, 30, bon tu vois, à partir de 30. Tu discutes à l'aise. Ah ouais, allègrement. Alors, ce qu'on va faire rapidement. Vous vous rendez compte, 30 millions pour un gamin de 20 ans. C'est-à-dire que. On parle. À peu près 30 millions, ça serait grosso modo l'argent que devra payer GACP. Ça leur paye ce qu'ils doivent rembourser à King Street et compagnie. Rapidement, on va faire un tour de table. En un transfert, ils se mettent à l'aise. Rapidement, avant de développer, Romain, Koundé est-il intransférable ? Tu me réponds juste oui ou non ? Ah, c'est compliqué. Alors, j'ai dit juste oui ou non ? Non, malheureusement. Non. Même si c'est la tête de proue du projet, parce que c'est un jeune et tout. C'est un jeune du club Marc, juste oui ou non, et après oui ou non, offre mirobolante avec lui ou pas. Oui ou non. Est-ce que tu le vends ? Non, il n'y a aucun joueur qui est intransférable. Voilà, Bernie l'a dit. Est-il intransférable ? Non, Enzo. Moi, c'est pareil. Non, Cyril ? Non, Lucas ? Oui. Ah ! J'attendais qu'Adrien ? Non. Bon, t'es tout seul. Alors, puisque t'es tout seul, Lucas, développe. Est-il intransférable ? Octogone. Attendez, j'entends pour la saison prochaine. Qui le vend à 15 millions ? Personne. D'accord. Donc à partir de quand on considère qu'il est peu intransférable ? Alors c'est 30 minimum. Alors Lucas, vu que c'est le seul à penser que oui, explique-nous déjà pourquoi. Et après mes collègues te défonceront. Vas-y. Je veux juste répondre à une question. S'il y a une offre de, je fais exprès de prendre un gros 80 millions crève sur la table, tu le vends pas ? Combien ? J'ai fait exprès. Non, il fait exprès. 100 millions, grossir. Tu le vends ou bien pas ? Sûr là quand même. Oui. Ok, jusqu'à quand tu vas descendre et tu me dis à quel moment tu ne le vends plus ? 40-45. Donc à 40, tu le vends. Oui. Donc il n'est pas intransférable. Bah, ça dé... C'est QFD. Non mais de base je vois pas quel club européen puisque si je lis, si j'avais bien lu le... Je vois pas quel club. Non mais regarde. Alors je vais reformuler. Je vais vous mettre d'accord. Non mais attends, je vais vous mettre d'accord parce que je sens qu'on va avoir le débat le plus stérile du monde. Bernie, à partir de quand tu dis qu'il est plus transférable, c'est quoi ton prix minimum pour vendre? Moi, minimum 30. Ok, est-ce que tu penses réellement qu'il y a un club en Europe qui va être 30 millions dessus? Ah, des pigeons anglais, mon gars, non. Carrément. Voilà, mais moi je pense que personne ne mettra 30 millions sur une DC. Pour moi, oui. Mais entre les clubs anglais. Mais oui. Parce qu'il y a des clubs anglais qui le suivent. La Roma et peut-être, du coup, s'il y a la Roma, il y aura sûrement l'Inter ou le Milan, c'est qui sera dessus. T'auras des clubs espagnols dessus, je pense que ça peut monter à 30 millions. Ouais, moi, je vous donne juste un exemple. Issa Diop, 25 millions, il est parti à West Ham. Alors, juste pour. Il était à Toulouse, il n'était pas forcément incroyable. Après la différence, c'est que sur le marché, il n'y aura pas beaucoup plus que Koundé. Hein. À la différence, c'est qu'il y aura Camara et que ça risque, du coup, qui va négocier le plus bas. Juste pour préciser. Les deux, ça risque de se jouer sur les deux. Alors, c'est toujours pareil, c'est d'après l'équipe, donc. C'est les sources. Non, mais voilà, c'est Emriten qu'on connaît ici dans cette émission. La liste des clubs intéressés, elle a quand même sacrément de la gueule. C'est alors, normal. Je pense normal. qu'il y a à boire et à manger, il y a du bon et du mauvais. Il y aurait notamment l'Olympique Lyonnais, l'Atlético de Madrid, le FC Séville, l'Inter Milan, le Milan AC et la Lazio. Des clubs middle. T'as la S Roma, c'est reconnu. Séville, des clubs, je le vois très bien à Séville. Moi j'ai entendu parler de clubs anglais. Et le joueur est à l'écoute seulement si l'opportunité est bonne pour sa carrière. Quant au club, Varela l'a dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc sauf offre hardcore, on le vendra pas. Intransférable pour la saison prochaine. Et pas évidemment sur dire il quitte jamais le club, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que l'année prochaine, on part du principe de dire Koundé, tu restes et on construit la défense autour de toi avec peut-être encore Pablo et Palencia et puis tu changes d'arrière gauche mais. Bah oui. Alors vas-y, oui, parce qu'on t'a pas entendu encore. Mine de rien, vous voulez tous tomber dessus, on l'a pas entendu. On lui a rien dit. Non, Marc, pas encore. Il va sauter dessus. Vas-y. Non, mais ce serait quand même une erreur de casting fondamentale de la part de JACP de vendre Jules Koundé. À la base, leur projet, et moi, pour le coup, tu vois, tu parlais du message envoyé par Paulo Sousa à Albert Lottin quand il l'a fait rentrer. Je pense que Paulo Sousa, le message qu'il a fait envoyer, c'est surtout un message pour tous les jeunes du centre de formation du FC Girondins de Bordeaux, qu'ils soient en réserve en U19 ou quoi que ce soit. Son équipe, il va aussi la bâtir avec des jeunes, et je pense qu'en termes de jeunes, dans l'effectif, alors, formé au club, je parle, parce que bon, on a quand il même. Il n'est pas formé au club en Koundé. Il est formé où? Il fait une préfo. Il arrive qu'à 16 ans, je crois, au Girondin. Bon, enfin, oui, d'accord. Mais enfin, oui, bon, d'accord. La post-formation, elle est à Bordeaux. Son premier contrat pro, il le signe à Girondin. Je pense que sa vie de footballeur professionnel, il va la prendre à Bordeaux. Il va pas la prendre à 15 ans. Ce que je veux te dire par là, c'est que mis à part Kalou qui arrive de Belgique, qui est quand même jeune, Camano qui arrive de Bastia, etc., Koundé, c'est quand même l'un des meilleurs éléments issus de ton centre de formation dans ton effectif actuel. C'est le meilleur. C'est si, le meilleur, tout simplement. Voilà, t'as personne. Si Dagrossa, comment dire, ambitionné, il me semble qu'il veut faire du bénéfice justement en partant de revendre avec une plus-value énorme des jeunes de son centre de formation, c'est avec Koundé, certes. Mais avant, il faut quand même qu'il construise aussi son équipe avec Koundé. Il a pas forcément besoin d'aller chercher un défenseur central de 27-28 ans, de je ne sais pas combien, qui va mettre du temps à s'adapter, etc., au championnat ou quoi que ce soit, pour rebâtir une équipe aux côtés de Pablo Jovanovic. Pablo, s'il est encore là. Et enfin, non, moi, je vois pas pourquoi. Quel intérêt il y aurait en fait à vendre Jules Koundé si ce n'est de ne ramasser que 30 millions d'euros. Aller même pas jusque-là. Aussi simplement et aussi simple du monde, ils sont pas venus là pour enfiler des perles, les Américains. Ils sont venus là pour faire du pognon. Donc s'il y a une offre qui juge mirobolante, ils vont le vendre. Je vais faire un truc à 30 millions, vous achetez d'autres joueurs. Quand je vois l'état du groupe bordelais... Bah, tu peux te trouver un arrière-gauche déjà. Non mais c'est pas, il manque pas un arrière gauche, il manque un défenseur central, il manque un arrière gauche. Attends mais le constat il a été fait, je te jure que l'info de comment il s'appelait le mec là avec les lunettes, Philippe Doucet. Ouais. L'info de Philippe Doucet, comme quoi Bordeaux chercherait à recruter une dizaine de joueurs, c'est vrai. Ah mais ça oui c'est pas nouveau ça. Donc, pas des quiches, mais donc du coup à un moment donné quand t'as l'ambition d'être aussi actif sur un marché, il te faut obligatoirement des ventes et du pognon. Et puis Koundé, on va pas se mentir les enfants. C'est quand même c'est comment on appelle ça, c'est l'enfant béni qui tombe du ciel, parce que Koundé, je sais plus qui disait tout à l'heure, personne le voit arriver, c'est-à-dire qu'il profite Voilà, c'est Bernie. Il profite de l'expulsion de Paul, Paul Bayes face à Caen. Pour qui perd sa place pour d'ailleurs Paul Bayes qu'on va récupérer l'année prochaine qui profite de ça et de suite il arrive, il s'impose avec Pablo, mais c'est, alors certes c'est Bordeaux qui a bien travaillé puisque pour une fois on a un mec du centre de formation qui perce, je crois que depuis Trémoulinas c'était pas arrivé en défense, j'entends. C'est l'enfant béni des dieux, Koundé. C'est le truc que t'attendais pas qui te tombe dessus et qui va peut-être te rapporter 20, 25, 30, je sais pas combien. Mais c'est... Vas-y. Ouais, Cyril. Mais surtout. Non, mais tu peux pas dire ça sur Koundé. Excuse-moi, tous les amateurs un peu des journaux de Bordeaux connaissaient Jules Koundé. C'est juste que en début d'année, on a essayé de le remettre arrière droit, de le forcer à aller à un poste qui n'était pas le tien. Mais tout le monde connaissait la valeur de Jules Koundé. Il a fait des feuilles de match en Coupe d'Europe à 16 ans. On l'a reçu là. Il était capitaine des U19 champions de France. Des amateurs du club des Girondins de Bordeaux. Mais de là à s'imposer pour ton premier match en Ligue 1 en tant évidemment, mais quand tu le connaissais, tu savais qu'il était mature. Tu voyais que c'était pas Ounas, quoi. Ça, d'accord. Ça mais va. Surtout, moi, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, mets-toi juste à la place des Américains. T'es censé être là pour 3, 4 ans, 5 ans, tu sais même pas. On te propose 30 millions sur la table. Qui te dit que Koundé que l'année prochaine il se pète pas, il en vaut plus que 5 et il fait plus rien. C'est sur le moment. Mais bien sûr, c'est le risque. Mais oui, mais bien sûr. Mais c'est pour ça que 30 millions, tu vas pas. T'es les Américains. On a trop voulu, on a quoi, ils ont dit. Mais maintenant on se le bouffe. Mais regarde les Américains. Franchement, les Américains, quelqu'un propose 30 millions pour Koundé, mais ils vont signer, mais direct. Mais les enfants, il y a une chose que vous oubliez quand même, je pense un peu trop facilement, c'est que les Américains, certes, ils sont venus pour faire de l'argent. Mais à la différence de vous, je pense qu'ils sont pas venus faire de l'argent à n'importe quel prix. Et les Américains, ils sont quand même pas cons. Enfin, ils 30 millions pour un mec de 20 ans. Ils savent, les Américains, que pour faire de l'argent, tu ne feras de l'argent que si tu as une équipe, entre guillemets, quand même d'un certain niveau, d'une certaine qualité. Donc tu peux pas te contenter juste de dire je prends des jeunes, je les fais péter, je vends ça. Mais déjà, 30 millions, tu le remplaces. Mais déjà, arrêté à 30 millions, tu le remplaces, bien sûr. Mais déjà, faut juste regarder une chose. Une chose, c'est que tu regardes juste le prix du défenseur qui a été acheté le plus cher au monde. Vendige, 80 et quelques, 84 millions, je crois. Regarde le joueur, 222. Tu regardes juste la différence. Déjà, mais 30. 222 pour Neymar. Si tu regardes juste la différence, juste pour voir ça, Vendige, pourtant, c'est le meilleur défenseur du monde en ce moment. Tu regardes juste ça et tu te dis qu'un joueur. Moi je trouve pas. Mais oui, non, mais d'accord, mais on va pas rentrer dans ce débat. Bah mais non, quand tu regardes. Si tu juges que c'est le meilleur juste parce que c'est le plus cher. Mais non, mais tu regardes le match, voilà. Mais tu regardes juste ça, un joueur qui vaut 30 millions qui est défenseur, s'il est attaquant, il vaut au moins 60. Déjà, tu te mets ça dans la tête. Et c'est pour ça, faut pas non plus être trop gourmand, c'est un défenseur central. Ça, on est d'accord. Il y a quand même. Excuse-moi, ce qu'il faut rappeler aussi, quand même, les gars, c'est le contexte du marché des transferts à l'heure actuelle. Vous avez un petit jeune de 20 ans. Enfin, je vais vous poser une question juste comme ça. À la fin de saison, vous l'auriez laissé partir pour combien, Malcolm? Vous pensez qu'il partirait pour combien? Au final, Malcolm. Ah, moi, je pensais qu'il partirait pour moins que ce qu'on l'a vendu. Je pensais qu'il partirait pour un petit jeune. On le voulait beaucoup plus. Et on a été hyper gourmand et on n'a pas réussi à le vendre. On en voulait au moins 60. Mais 45 pour un gars qui fait qu'une saison. Non, 41, déjà, t'en fais pas. Un gars qui fait qu'une saison, c'est pas mal. Mais oui, mais tout le monde réclamait au moins 60. Mais non, mais ce qu'il y a, c'est que Bordeaux voulait beaucoup plus. Et Bordeaux a refusé plus 6 mois avant. Parce que c'est ça qu'il faut enregistrer aussi dans les têtes, c'est que Bordeaux a eu la chance que je sais pas quel agent aille demander au Barça de mettre des sous, parce que le Barça en veut pas tant que ça, hein, puisqu'il a déjà un bon départ, à 70 millions. Et moi je veux savoir, si jamais il le vend 70 millions, quand c'est qu'il a pris 30 millions, hein? Parce qu'il les a pas pris, les 30 millions. Il prend 30 millions parce qu'à chaque fois qu'il joue 10 minutes, il marque. Voilà. Tous les poufs. Mais c'est pas ça, c'est juste. S'il prend 30 millions, c'est juste que c'est le Barça qui le vend et que le réseau d'agents est totalement autre que celui tout pourri qu'on avait l'année dernière. Donc, à voir ce que Bordeaux est prêt à faire, tu vas sonder le marché. Si sur le marché, tu entends qu'il y a des gens qui sont prêts dans un an ou deux à mettre deux fois 40 millions, tu le vendras pas. Si t'as personne qui te dit déjà à 50 millions que jamais de la vie les mettront, si t'as 40 millions, tu vends. Ça va dépendre de ton marché et de ton réseau d'agents. Là, on réfléchit monétaire par rapport à ce que Bordeaux a connu. Bordeaux, 40 millions, c'est ce qu'on a vendu Malcolm. Excusez-moi, si je dois faire juste ce prorata-là, si on le vend 30 millions, c'est déjà très bien. Mais Réfléchissez pas comme ça. Si Bordeaux dit il y a une offre mirobolante, c'est parce qu'au niveau du marché, au niveau de leur réseau, ils savent qu'ils ne le vendront pas plus. Si on refuse de vendre un mec 30 millions alors qu'on est sûr que dans 2-3 ans, dans tous les cas, on ne le vendra pas plus, ça sert à rien. Il vaut mieux le vendre et reconstruire une équipe. Oui, mais tu parles sur des on dit. Personne ne sait combien dans 2 ans ou dans 5 ans on va vendre un mec. Tu vas voir. Non, mais tu as un réseau, tu sondes, tu travailles en fait. C'est un petit peu ce qui manquait à Bordeaux justement dans ce réseau-là, c'est de bosser. T'as Massia qui est censé être un petit peu au courant de ce qui se passe dans ces réseaux-là, qui est censé en avoir un réellement. Donc à ce moment-là, ils vont prendre une décision. Tu prends cette décision-là par rapport à c'est quoi ? Qu'est-ce que je peux en tirer à l'avenir ? Si dans l'avenir, tous les voyants ils sont en vert pour dire tu le vendras à 80, tu le vendras pas à 40 ou à 30, tu le vendras plus. C'est là où il faut pas être débile. C'est là où on a été con et Malcolm de vouloir absolument le vendre. Même si c'est absolument voulu le vendre pour une histoire de caisse. Mais c'est là où ça a été un petit peu con. Maintenant, deuxième truc, ça va dépendre de l'objectif sportif de Bordeaux. Parce que si l'objectif sportif de Bordeaux, c'est réellement dans 2-3 ans d'être en Ligue des Champions, c'est con de vendre Koundé. Par contre, si l'objectif de Bordeaux, c'est d'enfumer tout le monde, c'est de t'acheter des majas, etc., des mecs qui sont en Détroit anglaise, de les payer 5 millions à prix d'or pour prendre comme d'agent, et que sur la vente de Koundé à 30 millions, il y a un agent un peu véreux du côté de Bordeaux qui a pris 6 millions, on le vendra, hein, vous inquiétez pas. C'est comme ça que ça a marché. Non, ils sont pas venus faire de l'argent à Bordeaux. Les Américains, et notamment Varela, ne sont pas venus faire de l'argent à Bordeaux en faisant gagner de l'argent au club et en redistribuant derrière. Mais si, Marc, parce qu'il n'y a que comme mais ça que tu feras du pognon. Eh bien non, justement, bah, comme ça, tu n'en fais pas. Par contre, le fait que Bordeaux monte une société d'agents à Londres et que bizarrement, les coms... De quoi ? Non, pas Bordeaux. Ouais, pas Bordeaux. Mais les agents qui gravitent autour du projet ont monté un réseau d'agents et qu'on va travailler avec ceux-là pour qu'il y ait des coms. C'est là où tu fais l'argent. Arrêtez de réfléchir que le football, l'argent se fait par les clubs. L'argent, il se fait pas par les clubs. Il gravite autour du club et c'est ce qui pourrit le football. Mais l'argent, il est pas là où vous le voyez. Il est là où vous le voyez. Il y a quand même un truc. Alors, là, tu nous fais du Molina, là. Oui, voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais c'est peut-être ça, mais après, malheureusement. C'est annoncer le pire pour. Après, on sait rien. Pas que, j'espère que c'est pas ça, mais après, bon. Juste, on va passer. Je crois pas. On va passer, s'il vous plaît, il reste 6 minutes. Il y a quand même juste. Non, juste. Oui, et après, on passe à autre chose. Je voulais juste rappeler aussi le contexte. Varela, honnêtement, quand on m'a dit qu'il allait arriver, je trouvais pas que c'était forcément une bonne idée, vu les histoires dans lesquelles il avait été impliqué. Mais pour le coup, je trouve qu'il a quand même une excellente connaissance du marché. Vous avez vu à quel prix il est parti, Clément Langlais, par exemple ? C'est ce qu'il faut. Mais 25 millions. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. 25 millions de Séville à Barcelone. Bah, 25 millions, tu te rends compte ? De Séville à Barcelone. De Séville à Nancy, il est parti pour combien ? Mais pour pas beaucoup. Pour ça. Pour eux. Mais regarde juste ça. Le mec était quand même titulaire avec Séville. Il était monstrueux. C'était le meilleur jeune français qu'on avait quasiment, l'anglais. Il part pour 25 au Barça. 25. Yeah. Alors, faut pas non plus en demander 50 pour Koundé. On va passer à. Moi, franchement, pour moi, il part pas en dessous de 40. Il a l'air de connaître le marché, il a l'air de ça. Ça fait 20 minutes qu'on est sur 30, 40. Et je suis sûr que tu vas trouver un pigeon qui va mettre 40 millions. On va juste, il y a un truc, je viens de voir la brève. L'anglais 30. Kemri a fait il y a deux jours, juste pour faire un petit flashback sur ce qu'on disait tout à l'heure dans l'avant-match. Moi, il y a quand même une phrase. Cette phrase, quand même, elle me fait un petit peu flipper. C'est Lionel Rouxel. Est-ce que vous savez qui est Lionel Rouxel? Non. Ancien joueur de Nantes. Ancien joueur. Rouxel rookie, non ? Attaquant à Lyon, non ? Lionel Rouxel, il est sélectionneur des U19 de l'équipe de France U19 et il parle sur Til Sissoko. Et franchement, quand je me dis, bon, il dit, écoutez bien, c'est un garçon appliqué et consciencieux, il est titulaire en National 2, il est très grand, avec du potentiel athlétique. Jusqu'à là, on est bon. Sauf que la phrase d'après, ouais, il a progressé défensivement, mais il doit encore s'améliorer dans les passes longues et courtes. J'ai dit, quand même, garçon, si tu veux être titulaire dans un club de Ligue 1, pour te faire et ça. Tu dois t'améliorer dans les passes longues et les passes courtes, ouais. Non mais ouais, pour te faire simple, Seb, de toute façon c'est, enfin pour l'avoir vu jouer plusieurs fois et s'entraîner pendant toute une année quasiment, j'ai regardé, c'est un Yamberé, c'est le même profil que Yamberé. C'est un joueur en fait qui a surnagé pendant toutes les catégories de jeunes parce qu'il a un physique qui est énorme, il est hyper grand, il est physique. Même s'il est pas très costaud, il met quand même de l'impact. Et ça, c'est le souci. Oui, mais c'est le problème, tu l'as dit Cyril tout à l'heure, Pungé aussi, il est véloce, mais tu l'as dit toi-même, c'est dans, avec le ballon. Mais la différence, c'est que Pungé, il a 26 latéral, ans, et que quoi. Maintenant. Non, oui. Et surtout maintenant, ça fait 5 ans qu'il connaît le milieu. Ouais, il est latéral. Souvenez-vous de Pungé au tout début. Si tu repars avec. J'ai rien contre Maxime, hein. Mais bon, je préfère Pounja à 26 ans que Pounja à 21 ans. Mais Oui, c'est sûr. Oui, il y a du progrès. Ah oui, mais c'est indéniable. Mais c'est indéniable. Mais c'est vrai. Non, le progrès, il est indéniable. Tactiquement, c'est indéniable. Le système lui va mieux déjà, là. Oui, mais même en 4, quand on jouait à 4 en début de saison, il n'y avait pas un latéral gauche qui était meilleur que lui. Et à un moment donné, il faut aussi dire les choses. Après, on n'a rien derrière aussi. Il n'y a personne d'autre. Ouais. On n'est pas fourni non plus. Après, c'est ce que j'allais te dire. Il n'y avait pas forcément d'autres arrière gauche que Maxime Pounjé quand... Il y avait Pelnard, on lui a peut-être pas donné assez sa je pense que lui, on lui a assez donné, justement. C'est quand même triste, quand tu regardes, on a zéro défenseur gauche qui... Enfin, derrière. Mais tu vois, t'as le petit Driss... Non, Trichard, il joue milieu. Oui, mais enfin, le match qu'il a fait face au TFC gauche, il a été. Le mec, c'est même pas son vrai poste. Mais ça donne déjà quelques pistes que va sûrement creuser GACP pour cet été. Dans le cadre de la reconstruction d'effectifs, déjà, il y a toute la défense, à mon avis, qu'il va falloir. Sur lesquelles tu vas. Comment ça, non ? Vas-y, Lucas, continue, te laisse pas. Continue. Non, vas-y. Ah, pardon, j'ai cru que tu m'avais dit non. Trichard, il a pris deux matchs de suspension. Oui, non, mais qui s'est fait exclure à 7 quand ils ont perdu 4-0 lors du dernier match des jeunes. Tiens, question bête, est-ce qu'une suspension chez la réserve, ouais. Tu peux donc tu ne joues pas chez les pros aussi. D'accord. Ouais, mais c'est comme quand t'es expulsé en A, tu peux pas jouer en B. Quand inversement. Du coup, pour revenir à ce que je disais, ça me revient. Ça donne déjà quelques pistes sur le mercato de cet été. Il va falloir qu'il creuse un arrière sur toute la défense parce que Sabali, à mon avis, va pas rester. Palencia, sauf offre de Bordeaux, va repartir au FC Barcelone. Il va falloir chercher un latéral droit, il va falloir chercher des défenseurs centraux, il va falloir rechercher les arrières gauche. Une dizaine de types, ça va. Les 10 joueurs qu'a dit Doucet, ouais. Voilà. Juste dernière info, il reste 2 minutes. Dernière info avant de terminer, c'était une petite brève de jeudi. Évidemment, toutes les brèves que je vous donne, vous pouvez les retrouver sur le site girondin33.com, nos amis et partenaires que l'on salue. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, Bordeaux, on parlait souvent dans cette émission, enfin surtout Cyril et moi, on se plaignait que Bordeaux n'envoyait pas assez de scouts, ne supervisait pas assez, n'envoyait pas assez d'émissaires. Et bien, on a appris que... Ils vont voir des matchs à l'œil. Bordeaux a scouté des matchs, notamment un match d'Europa League. Ils ont supervisé le match entre Benfica et Francfort, 4-2 en quart de finale de l'Europa League. Alors... On va pas se mentir. Hein, J'espère vraiment qu'ils regardent des joueurs et qu'ils sont pas allés voir le match. Alors, on n'était pas les seuls. Bah 4-2, ça devait être un bon match. Oui, mais évidemment. Mais c'est comme si tu me dis que demain il est à Ajax Juve ou Barcelone. Ouais. Barcelone Manchester. Je me dis ok, ils se sont fait kiff. S'ils sont allés voir le mec qui s'est fait expulser au bout de 10 minutes. Quand même, oui, le jeune français là. Ils sont allés voir le petit gars de 19 ans qui a mis. C'était sur ce match-là qui a mis un triplé. Quand même, il n'y avait pas Bordeaux, il y avait Manu, l'Inter, la Juve, le Déport, le Valladolid, le Bayern, Montpellier. Montpellier a envoyé des émissaires, le FC Sion, Tottenham, Chelsea, Leicester, Newcastle, Barcelone et Santa Clara. En fait, chez les Allemands, t'as une future vedette. Donc je pense que t'as tous les grands clubs qui sont allés voir Jovic. Est-ce que tous sont allés voir le même joueur? Alors, ils sont peut-être. Après, il faut savoir ce que lequel tu scoutes, parce que même Joao Félix, t'as aucune chance de l'avoir. Hein. Oh non, c'est mort. Félix s'est fait expulser, MDK, il est très fort. Ah oui. Ah oui, alors attendez, lui par contre il rentrerait dans le projet. Il y avait aussi Red Bull, Salzbourg, il y avait Sheffield Wednesday, il y avait Arsenal. Non, à partir du moment où tu vas chercher des jeunes, après des jeunes, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Tout dépend. Tout dépend de qui tu cherches. Il devait y avoir un paquet, parce que quand je vois la liste des clubs qui étaient venus scouter sur ce match-là, il y en a au moins une quinzaine. En même temps, t'es sur une équipe qui est en forme avec Francfort et t'es sur une équipe qui a toujours eu des bons jeunes avec Benfica. Donc c'est aussi intéressant. Bon, donc à voir si dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, Bordeaux s'intéresse. Il faut rappeler aussi que le Portugal, notamment, ils sont champions d'Europe des U19. Donc il y a quand même, avec João Félix qui était attaquant, qui était justement l'attaquant vedette des U19 portugais. Mais Benfica a aussi prêté, il me semble, Trincao qui a fini meilleur joueur du tournoi et qui joue à Braga, je pense. Enfin, il y a quand même un énorme potentiel chez les jeunes au Portugal. Alors, parfait, 22h, nickel. On est dans les temps, toujours un partout, 55e minute de jeu, toujours un partout entre Nantes et l'Olympique Lyonnais. Oui, c'est Martin Terrier qui avait égalisé face à Koulibaly. Résultat vite fait avant de se quitter rapidement. Résultat de Ligue 2, Lens Valenciennes 0-0. Grenoble est allé s'imposer 2-1 sur le terrain de l'AC Ajaccio. Auxerre, malgré l'entrée en jeu de notre ami Mancini, a fait match nul 0-0. Niort, le Red Star est allé s'imposer 3-1, le dernier sur la pelouse du 19e. Béziers, 3-1 pour le Red Star. Le Havre est allé gagner. 3-1 sur le terrain de Sochaux. 2-1 pour Orléans sur sa pelouse face à Clermont. Le Gazélec s'est incliné 1-0 à 3. Un but de Mbemo Buemo que Bordeaux suivait mais n'a pas suivi. C'est lui qu'on n'a pas eu parce qu'il n'a pas passé un coup de fil, Ricardo. C'est ça l'histoire, ouais. Voilà. C'est ça. Donc on va voir où il va aller, ce brave garçon. Le FC Metz, le leader, a retourné la situation et s'est imposé 2-1 à Châteauroux. Et Brest, le second, s'est imposé également à Nancy 3-2. Avec que des anciens buteurs de Ligue 1 dans ce match-là, puisque vous avez Marvaux pour les anciens qui a mis un doublé, JCP, Autré et Gaëtan Charbonnier. C'était Gaëtan ou Guillaume Charbonnier? C'était Gaëtan Charbonnier, meilleur buteur de Ligue 2 au passage. Actuellement en Angleterre, Newcastle mène 1-0 à Leicester. Qu'est-ce qu'on a d'autre en Allemagne? Rien de passionnant. 0-0, Nuremberg-Schalke. Ouais, il y a Nuremberg-Schalke. Ouais. L'Ajax, il gagne 3-2. Ah non, c'est les films. Et alors, que fait Laval? Putain, Laval, le club cher à notre ami Clément. Et il me semble que le Mans aussi, le Mans aussi est pas loin de remonter, non? Le Mans est 4ème. Non, là ils sont dans le trou, le Mans en ce moment. Ils sont dans le trou, là. Ils sont 4ème de national. Attends, j'ai le classement. Le MMA Arena, c'est pas mal. Figure-toi, Cyril, que Rodez est donc premier et donc officiellement monté. Chambly est 2ème avec 59 points. Rodez 66. Laval, le club de Clément, joue la montée également puisqu'ils ont. Non. Je déconne, ils jouent pas la montée, ils ont 10 points de retard sur Chambly. Mais quand même. Ils sont barragistes là, Laval. Ils, voilà, ils, sont, ouais. Ils vont jouer. Et Le Mans est 4ème, mais avec seulement 2 points de retard sur. Sur Laval. Ouais, mais là, ils ont enchaîné des nuls et des défaites. Laval. Ils n'avaient qu'une défaite il y a 6 journées. Donc Le Mans va peut-être remonter en Ligue 2. Bref, on va se quitter là-dessus. Romain, merci. C'est moi qui vous remercie. À toi d'avoir passé cette émission avec nous. C'est un plaisir. Et puis, écoute, t'es le bienvenu. Tu nous rappelles quand tu veux, avec plaisir. Merci pour tout, c'est gentil. Bonne soirée à vous. Merci à toi, Romain. Bonne soirée, bon week-end, bon match dimanche. Merci, au revoir. Ciao. Messieurs, on va se quitter là-dessus. Hop là, en n'oubliant pas donc, oui, monsieur. Juste une petite dernière chose à dire. C'est juste pour montrer que j'ai vraiment, personnellement, j'ai vraiment aimé la communication de Dagrossa sur l'affaire Pablo. Oui, alors on va y revenir évidemment puisque Bordeaux a fait appel, donc on y reviendra quand on aura des quand la commission. Je sais pas combien de temps ça prend à se réunir. Non, les appels. 2 mois. Combien? 2 mois normalement, juin c'est bon, ça sera. Non mais si l'appel est suspensif, ils peuvent se réunir même en décembre, que c'est pas grave. Mais il est pas suspensif, il jouera pas contre Monaco, il joue pas contre Saint-Etienne. Oui, mais là pas parce que non. Ah, si, justement, il joue pas contre Saint-Etienne parce que rouge direct c'est un match automatique. Mais si l'appel est suspensif rouge direct c'est deux matchs. Non, rouge direct c'est un match, c'est jamais deux matchs. C'est un match obligé, c'est rouge direct, c'est un match. Et en plus, je veux pas dire qu'on est, mais il me semble qu'un jeune plus un rouge, c'est encore plus. Il me semble qu'il y a des barèmes. Ça, par contre, je sais pas. Mais non, si l'appel est suspensif, pour moi, il n'y a pas de raison qu'il soit absent à Nîmes. Mais bon, on verra bien. Sauf si entre temps, la commission invalide ou valide sa suspension. Bref, suite du suspense lundi ou vendredi prochain. Messieurs, merci. Marc, merci. Bernie, Enzo, Cyril, Lucas, Adrien, qu'on n'a pas entendu parce qu'il est pas, il a passé toute son émission dans le coin devant son petit ordinateur. Il a regardé Dragon Ball Z. Mais non, il a regardé comme moi la bande-annonce du prochain Star Wars qui est sorti. Je me la suis mis en boucle pendant 20 minutes. J'ai pleuré dans ma voiture. tellement c'était trop bien. Ouais, avec une surprise à la fin. Il y a Sangoku qui arrive. Putain, comment il défonce. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, c'est tout. On se retrouve donc lundi 20h30, 22h, RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. Dimanche 17h, Stade Geoffroy Guichard. Allez, c'est ce Girondin de Bordeaux. Allez-y, c'est pas loin. Et puis, avec un peu de chance, vous verrez pourquoi pas. On a gagné quand à l'extérieur pour la dernière fois cette saison? Merci. Ouais, merci. Non, sérieux, Guingamp. On n'a pas gagné à Guingamp cette année? Si, on a gagné à Guingamp, garçon. Mais je pense c'était au mois de septembre-octobre. Et on se retrouve lundi 20h30, 22h pour débriefer ce Saint-Etienne Bordeaux. Voilà, on va vous souhaiter donc une bonne. Je suis persuadé d'oublier quelque chose et ça m'énerve. Les phrases de fin. Ouais, exactement. Les phrases de fin, Marc. Merci. Allez, Bordeaux. In cheveux, we trust. Ça marche aussi. Bernie. T'as pas un truc. Ah, Bernie, il cherche des gars au black pour faire les travaux de sa maison. Pour faire mon jardin. quand je serai dans ma maison. Si vous, si vous voulez déduire les impôts, si venez tondre ma pelouse, mon enfoiré. Si tu as 14 ans et que tu veux te faire de l'argent de poche, Bernie te prend. Happy Meal, viens tondre ma pelouse, crevard. Enzo. J'ai rien à rajouter après Cyril. Ça. Rien. Tu t'as rien dit. Lucas. Allez, seule la victoire compte et puis Winter is coming. Et oui, putain, les séquences, c'est ce soir. Le Winter est pas coming, le Winter is here. T'as regardé WrestleMania? Oui, ouais, je l'ai pas vu, faut que je vois les. Enfin, si, j'ai vu le résultat du combat du main event, je suis dégoûté, mais faut que je revoie quand même le replay. C'était bien? Bon, si toi tu me dis que c'est bien, j'ai confiance. Merci à tous, donc on se retrouve lundi soir, 20h30, 22h, RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. On vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, un bon match dimanche. Et allez Bordeaux!